Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 11e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons un revenant qui vient quand même pas très très souvent pendant les émissions et c'est Cyril. Salut Cyril. Salut les gars, salut à tous les amis qui nous écoutaient. Bah alors, tu viens plus en soirée? Non, j'ai oublié mon costume. Oh, bah c'est pas grave. Ensuite, nous avons Cilion. Salut Cilion. Qui lui vient un peu trop souvent, c'est ça? Non, justement, j'ai même pas fait de réflexion. Non, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et bah, c'est Festival de Voix Suave aujourd'hui entre Cyril, Sei. Ouais. Et Sissi. Ouais. Et toi. Voilà. Wow. Ouais, je sais pas si on a beaucoup de public féminin, mais bon, c'est pas grave. Hein. Dommage. Et perdre quelque chose si elle nous écoute pas. Je pense aussi. On va commencer sur les chapeaux de roue avec le point sur l'actu et c'est notre reporter de l'extrême qui va s'en charger. Cilion, à toi de jouer. Oui, on va faire un petit point sur ce qu'a déclaré Sean Layden, donc qui est un des présidents de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, un des big boss de PlayStation, si on veut bien résumer. Mm-hmm. Qui s'est laissé à quelques réponses au magazine Game Informer, et sur PlayStation bien sûr, sur le PlayStation Now aussi, il en a pas mal parlé. Mmh. Il semblerait que ce soit une plateforme qui ne fonctionne pas aussi bien qu'il ne l'espérait, et donc surtout du PlayStation VR, c'est ce qui nous intéresse. Bon, c'est juste des petites... c'était un entretien, un échange plutôt cool, hein. On connaît Sean Layden, c'est un personnage assez charismatique, qui a de l'humour, qui parle d'une façon assez vraie, même si forcément il a un langage PlayStation. Mais donc, il a quand même dit des choses, bien sûr positives, sur le PSVR, comme quoi il a répété, comme nous avait dit le président de PlayStation Europe, M. Caron, que Sony était à fond committed dans la VR, c'est-à-dire qu'ils y allaient à fond, et que dans 10 ans... C'était une des informations prises comme ça, un petit peu par extrait, que que dans 10 ans, en fait, le casque qu'on connaît aujourd'hui n'aurait plus rien à voir avec ce qu'il y aura. Ce qui paraît assez évident quand même. Voilà, c'est défoncer une porte ouverte, hein, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est clair. Et lui-même disait dans cette interview qu'il regrettait en fait que le casque ait tellement de câbles. Hein, il en a deux gros, c'est vrai. C'était son plus gros regret quelque part, et il enchaînait quand même après pour dire que, mais bon, vous vous souvenez de votre vieux Nokia, le téléphone qu'on avait tous il y a 15 ans là, avec la même sonnerie, et c'est ce que j'avais dit dans un podcast aussi au début, c'est normal, ça prend de la place, c'est pas au point, c'est encombrant, c'est pas ergonomique, c'est pas top, et ça va prendre forme petit à petit. Après, qu'est-ce qu'on aura dans 10 ans, ça c'est la grande question. C'est de la science-fiction, hein. Ouais. Ouais, surtout ça va tellement vite que... Ouais. En lisant entre les lignes, Sean Layden, quand même, à un moment, il dit on en est au 1.0, mais on ne peut pas arriver au 5.0 sans être passé par plusieurs étapes en 10 ans. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça au pied de la lettre? Est-ce que ça veut dire qu'on aura 5 versions du casque pendant 10 ans? Ou bien c'était juste une image? Bon, là, je vous laisse... Oh, je pense que c'est une image. Et puis, quand il fait la comparaison justement avec les téléphones portables, force est de constater que c'est plus que vrai. Hein. Quand tu passes du Nokia ensuite au premier clapet, ensuite au premier smartphone, il y a eu quand même une évolution qu'on a pu voir au fur et à mesure des années qu'on filait. Mais c'est, pour moi, franchement, c'est des évidences. C'est un petit peu de la com. C'est dire quand même que... Ils ont compris ce que les joueurs voulaient, et surtout ce qu'ils voulaient plus, c'est-à-dire des câbles et un truc trop lourd, un truc beaucoup trop embêtant à mettre sur le crâne. Et aussi, il a mis en avant, dans sa déclaration, des jeux comme Astro Bot, justement, qui étaient vraiment pensés pour la VR dès le départ, et on en a suffisamment discuté avec Nicolas Ledoucet quand on l'a invité. Faire des jeux qui sont vraiment prévus pour la VR, pensés VR et développés pour la VR et qui utilisent vraiment à 100% les capacités de ces casques et des contrôleurs qui vont avec. C'est clair. Ouais. Ouais, pour moi, c'est pareil, ils surfent sur la tendance du moment. On le voit avec les casques VR mobiles comme l'Oculus Go par exemple, où on est sans câble, tout le monde ne veut plus de câble. Alors est-ce qu'un casque comme le PlayStation VR peut se permettre de ne pas avoir de câble? possible, pas possible, je sais pas. Mais là, on est dans la com, quoi. Il enfonce une porte ouverte pour rester dans le move, on va dire, et répondre aux exigences des consommateurs. Parce que autant la première version du PSVR, on va dire, c'est le constructeur qui a imposé ses choix aux consommateurs, alors que là, maintenant, la tendance est en train de s'inverser. Et on voit bien que les différents constructeurs, hein, qui sont sur le secteur essaient de se coller, d'être en corrélation avec les aspirations des consommateurs. On voit qu'il y a une tendance qui est en train de s'inverser. Est-ce qu'elle va durer ou pas? Ça, l'avenir nous le dira. Ouais, mais pour une console comme PlayStation, avec ses tarifs qui ne doivent pas être non plus excessifs, c'est de la science-fiction de un jour penser qu'en 2019, on aura mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Tu penses pas que justement avec une déclaration comme ça, s'il le dit quand même, c'est quand même un gros ponte de Sony, s'il annonce quelque chose comme ça, il y a certainement quelque chose derrière, ils sont certainement en train de développer quelque chose comme ça dans leur coin. Ouais. Tu vas pas dire quand t'es responsable justement d'une boîte et quand t'es un des plus gros acteurs du marché de la réalité virtuelle, tu peux pas juste dire ouais, les gens ils pensent qu'il y a trop de câbles, on les a entendus, et puis après proposer un produit pour le PSVR 2 qui sera aussi blindé de câbles, quoi. Enfin, ça me paraît très bizarre en fait. Ouais, mais moi ça me gêne pas, au contraire, les câbles, encore une fois, en 2019, en 2020, en 2000, peut-être même encore 25, eh ben, je préférerais passer par un câble qui sera peut-être plus léger que avoir des spécifications, des perfs, qui sont moins bonnes. Mmh. Et c'est ce qui nous pend en nez. Moi, j'ai pas envie d'un truc plus ergonomique, mais moins performant que voilà. Mmh. Ça me gênerait. C'est un peu ce quoi. Qui me fait peur aussi avec l'Oculus Go, les trucs comme ça. Ça me fait un petit peu peur aussi qu'on vise un petit peu vers le bas au niveau de la technique pour que ce soit plus facile pour tout le monde, quoi. C'est ça. Et voilà, le premier ennemi du PSVR ou de la VR en général, c'est les a priori des gens qui n'ont pas finalement essayé et qui disent tout de suite, je vais pas mettre un truc anxiogène sur la tête avec un angle de vision réduit et puis des câbles dans lesquels je vais m'étrangler. Non, mais j'ai caricature, mais c'est quelque part, c'est ça. Ouais, mais les gamers en même temps, ce qu'ils veulent, c'est de la résolution et c'est des jolis graphismes au moins équivalents à cette génération-là dans un monde virtuel, quoi. Voilà, à cause de la concurrence PC qui est de plus en plus acerbe. Mmh. Oui. Après, pour en revenir au câble, nous on a la version 1, mais la version 2 du PSVR, enfin le V2, hein, il a le câble qui a diminué de diamètre quand même. Donc il y a eu un effort de fait déjà dans ce sens-là. Il y a eu un effort de fait, mais tu vois, là j'ai un WMR aussi HP avec un seul câble unique, hein, très fin, et ça reste quand même une contrainte. Et je vois vraiment pas la différence à l'usage, en tout cas, entre le PSVR avec les câbles qu'il a maintenant, la première version, et ce casque-là, même si le casque est plus fin, t'as quand même toujours le risque, quand tu te déplaces, de te prendre les pieds dedans et de te marbrer, quoi. Ouais, ouais. Et puis ce PSVR 2.0 ou 1.2, je sais plus comment ils l'ont appelé, en tout cas V2. 1.2, je crois, ouais le V2, ça sera plus simple. C'est une blague. Enfin, j'ai trouvé que c'était tellement décevant de sortir ça si vite et qu'il y ait si peu de différence. Bon, après, ça aurait été vraiment dégueulasse pour ceux qui ont acheté le premier casque au bout de quelques mois de sortir un truc encore plus balèze, mais là je trouvais que c'était une blague, hein, de sortir ça. Il n'y a rien de mieux, enfin, il n'y a rien de. Ça reste le même casque. Ouais, concrètement, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Ouais mais faut Sony l'a déjà fait ça avec les casques HMZ T1, T2, T3. Donc c'était, je sais pas si vous vous rappelez, ces casques qui proposaient de la 3D également. Vous pouviez regarder, vous placiez en fait devant une salle de cinéma. Donc c'est d'ailleurs le PSVR, il découle un peu de ces prototypes, pas ces prototypes puisqu'ils ont été commercialisés. Il s'en inspire beaucoup. Je pense que Sony a travaillé sur cette base-là. Et pareil, on a eu trois versions qui travaillaient surtout sur un peu moins d'encombrement, un peu plus ergonomique, un peu plus léger. Et le T3, donc la dernière version, avait un déport que tu pouvais mettre à la ceinture. Qui le rendait plus ou moins nomade, on va dire, quoi. Voilà. Et je pense que c'est une politique de Sony de procéder de la sorte. Ouais. Des petites mises à jour hardware, ce qu'ils avaient fait aussi pour la Vita, il me semble, qui avait commencé. Mais bon, ça c'était plus pour des raisons économiques. Ils avaient commencé par faire une Vita avec l'écran OLED. Et la deuxième ou troisième version de la Vita, je crois, hardware, ah oui. Était passée sur des écrans LCD, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ce qui avait déçu beaucoup de gens, finalement. Oui. Bah ouais, parce qu'il y avait une profondeur et une qualité d'image sur les premières versions des Vita. Qui étaient en OLED, c'était des écrans OLED, ouais. Ouais. Les écrans LED qui étaient vraiment bons. Et puis même toutes les versions, même la PS4, je crois qu'elle en est à sa sixième version. Quand je parle même de la PS4, c'est la version classique, en fait. Ouais. On le sait pas, mais quand tu regardes en fait les codes justement sur tes boîtes de console ou même sur ta console, en fait ça reste des évolutions hardware au fur et à mesure qui évoluent. Ouais, oui. Ils changent des ventilos, ils changent des trucs dedans, et puis voilà, c'est des petites innovations en fait au fur et à mesure, sauf qu'ils communiquent pas dessus. Et qui peuvent avoir des incidences sur le jeu auquel on est en train de s'exercer. On y reviendra tout à l'heure, si vous faites le moi penser tout à l'heure sur Xing. Mais ouais, je vous ferai un petit passage sur ça, un petit laïus. Ah. Donc voilà, les déclarations de Sean Layden qui tombent un peu à point. C'est vrai qu'on n'entend que trop rarement parler du PlayStation VR. Et je voudrais faire juste un parallèle avec les déclarations qu'avait fait Yoshida Shuhei. C'était donc en fin d'année dernière. J'avais fait un article dessus qui avait été repris par Julien Chiez sur sa chaîne, dans lequel Yoshida disait que les jeux PlayStation VR, il avait lancé une stratégie. Alors tenez-vous bien, sur 2 à 3 ans, pour que les jeux et expériences PlayStation VR soient de meilleure qualité et plus longues. Donc 2 à 3 ans, et c'était encore, donc je répète, fin 2018. C'est tout récent. Ouais. Et donc, ça a commencé avec Astrobot, avec Firewall. Bon, il y avait avant Persistence, qui appartiennent déjà à cette génération de jeux plus complets, plus mieux finis. Mais qu'est-ce qui nous attend encore? Ça a du sens aussi, hein, parce que si vous vous souvenez, les premiers jeux qu'on a connus sur le PSVR, on avait de la téléportation. Bon, ça a duré, ça, mais on a bien senti qu'au fil d'un an, un an et demi, les développeurs avaient acquis un peu la quintessence de la VR, et pour le développement, on sentait que c'était beaucoup plus fluide, leurs inspirations étaient beaucoup plus maîtrisées. Et on est allé vraiment dans le qualitatif, on est allé crescendo, donc ouais, ça a du sens ce qu'il dit le bonhomme là. Ouais, en tout cas, ça va dans le bon sens de la VR. T'avais quelque chose à rajouter, Cillion, sur la Vita, il me semble. Bah oui, la Vita, c'est vrai qu'on peut aussi faire un parallèle. Si je dis pas de conneries, je crois que la Vita, elle termine sa carrière, en tout cas de production, ça c'est sûr, dans les semaines qui suivent. Elle va arrêter d'être fabriquée. Et elle a fini sa carrière, si je dis donc pas de conneries, dans les 16 millions quand même. Quand même, hein. C'est pas assez. Il faudrait vérifier, échec, hein. J'ai peur de dire une connerie, 13 ou 16, je sais plus. Il me semble bien 16. C'est pas si mauvais que ça, finalement, je trouve. Surtout pour un produit qui a pas été soutenu. Ah, pas du tout, non. Ouais, vite abandonné, en tous les cas. Ouais. Lâché, en vrai. Pas abandonné, lâché. Voilà. Ouais. C'est au Japon que ça a cartonné, il me semble, hein, la Vita, justement. Il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis. Bah, toutes ces dernières années, en fait, toutes les productions qui sont sorties sur PS Vita, c'est des jeux japonais. Hein. Mais c'est comme la PSP, elle a très bien vécu au Japon, quoi. Ouais, et comme quoi, je sais pas, parfois, tu sors un produit quelques années trop tôt ou trop tard. Quand tu regardes le succès de la Switch, c'est dommage quand même que ça n'ait pas fonctionné. C'est pas pareil, oui. Ouais, mais si on parle de la Vita, là, c'est pas tout à fait anodin, parce qu'on fait souvent le parallèle justement entre la communication et les fréquences de développement sur le casque PSVR et sur la Vita, parce que la Vita, ça reste quand même un point noir un petit peu dans la stratégie commerciale de Sony, et un virage qui a mal été pris, justement, comme tu disais, Cyril, qui n'a pas été suffisamment soutenu, et on a toujours, surtout pendant les débuts d'année, peur du manque de soutien justement à leur périphérique Sony. Ils ont l'habitude d'avoir de l'or entre les doigts et de pas savoir le vendre, en fait. Après, faut pas oublier que la Vita est née à une période charnière pour Sony, qui était en grande difficulté. Donc quand ça va mal dans une société, on coupe les branches mortes, quoi, hein, ou qui commencent pas à pourrir, mais je pense que leur plan marketing et les retours qu'ils avaient dessus n'étaient pas suffisamment, donc ils ont coupé la branche, tout simplement, quoi. Voilà. Ils sont vraiment reconcentrés sur la console de salon, ça a commencé à pas marcher, tout à fait. Voilà. Donc est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'ils sortaient la PS Vita telle qu'on la connaît maintenant, enfin aux caractéristiques propres à aujourd'hui, quoi, est-ce qu'ils procéderaient de la même façon? Je suis pas certain, sachant que la société va mieux quand même. Ouais. Et ouais, la Switch est passée par là aussi. Hein. Et oui, et la Switch, j'allais en parler d'ailleurs, c'est, t'as vu qu'ils vont en sortir une version Lite que tu pourras plus switcher sur ta télé. Ouais, comment ils vont l'appeler alors? Ça devient une portable. Bah, une la mini Switch. La Switch. Ouais. La mini Switch. Non, mais voilà, je veux dire, Nintendo, ils ont toujours cartonné au niveau des portables, hein, donc ouais, ça, ouais. Ça m'étonne pas. Bon, ouais, voilà, c'est donc, marque de fabrique. Des déclarations qui tombent à point. Bon, certains critiquent forcément ce genre de déclarations qui sont que des promesses vaines. Mais... Ça reste des promesses, ça reste du défonçage de portes ouvertes, mais en tout cas, ça reste quand même une communication comme quoi Sony entend ce que disent les joueurs. Et en ce sens-là, pour moi, ça reste quand même assez positif. Oui, voilà, et puis c'est tout ce que j'en pense que ce que dit Sean Layden est vraiment à remettre dans le contexte de la PS5, à mon avis. Mm-hmm. Aussi. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein, comme on dit. Hein. Ouais. Oui, puis oui, on sent bien qu'elle approche et que maintenant, bah, il faut orienter la com sur vers elle, quoi. Faut regarder devant soi et puis derrière soi, quoi. Voilà. Exactement. C'est magnifique ce que tu es en train de dire. Ouais, je n'ai pas tout seul. Justement, ma chaise. Hein. Qui nous a manqué, Cyril. On va profiter de toi justement et tu vas nous parler de Xing: The Land Beyond. Oui. Alors Xing, qui est sorti le 13 février sur notre store. Au tarif de 20€ maximal, puisqu'il y avait une réduction pour les abonnés PlayStation Plus. Donc si vous ne l'êtes pas, il sera au tarif de 19,99€, si mes souvenirs sont bons. Ce qui est pas cher. Hein. Ce qui est pas cher, et ce qui est pas cher vraiment par rapport au travail fourni sur le jeu et à sa durée de vie qui est infinitésimale, on veut dire. Quoi. Donc on a affaire à quoi là? À un puzzle game à la première personne, jouable à la première personne, avec des déplacements libres. Ah, oui. Dans des décors vraiment sympas, pour ne pas dire fantastiques, ça serait exagéré, même si la première fois quand on lance le jeu et qu'on arrive sur le home d'accueil, là, ben, on fait « Ah ouais, la vache quand même, je me suis plus à le dire dans la vidéo », mais c'est vrai en plus. Hein. On a l'impression d'être sur le mont Olympe et d'être à la place de Zeus ou de ses sous-fifres. Et donc il est vraiment shadé, il est vraiment, vraiment beau, et ça se confirme au fil des niveaux. Il y a 4 mondes avec, allez, on va dire un monde secret, c'est pas un monde secret, mais il faut déverrouiller les 4 mondes pour accéder à une sous-partie qui est... allez, on ouvre la porte du jardin de Zenith, si mes souvenirs sont bons, on apprend un peu plus sur l'histoire. Et une fois ceci fait, bon, on accède au 5e monde. Bon, je vous dirai pas la suite. C'est pas de spoil. Pour arriver à ça, il va falloir se creuser les méninges et terriblement. Les énigmes sont vraiment variées. Je craignais une répétition, une lassitude, et non en fait, parce que on progresse. On va se retrouver au fur et à mesure avec toutes les énigmes, on va crescendo et elles vont s'imbriquer et y a vraiment une grande variété. Alors, il y a des déplacements libres, ce qui est vraiment appréciable pour ce genre de jeu. Du coup, on est vraiment dans un monde, on est vraiment dans totale immersion. Le jeu est jouable avec la DualShock 4, mais également avec les moves. Donc, ils ont copié, entre guillemets, les développeurs qui ont fait Solus Project. Et on peut se déplacer avec nos moves. Alors l'intégration est très bonne des moves, même si en critique, j'ai eu des petits soucis de reconnaissance et qui ont dégénéré sur des bugs graphiques que je n'ai eu qu'avec les PlayStation Move et pas la DualShock 4. Alors si vous regardez vidéo de test, vous verrez, je vous mets un petit court passage de 5-10 secondes. Mais j'ai des éléments du décor qui ont disparu, j'ai des choses que je ne pouvais plus faire comme brûler des ronces, ça ne le faisait pas. Alors ça n'avait pas d'incidence sur le jeu en lui-même, mais bon, c'était dommage de voir ça. Et après, plus grave, j'avais vraiment limite l'écran qui se frisait dans le casque, ça ne m'avait jamais fait ça, et je n'ai eu ce problème qu'avec les PlayStation Move. Voilà, au moins on peut souligner l'effort qui a été fait d'intégrer les PlayStation Move. Moi perso, j'adore les Move, même s'ils sont dépassés, ils sont sortis en 2010... j'aime avoir quelque chose dans mes mains et jouer comme si en VR, comme si j'étais comme si j'étais un vrai personnage, même si dans Xing je suis transparent. Voilà. Allez, mais bon. Voilà, c'était sympa. Voilà. Et donc très bon jeu, une durée de vie, alors c'est difficile de donner une fourchette de durée quand c'est propre à chaque joueur, on va dire, surtout dans ce type de jeu. Moi, ça m'a pris un temps terrible, parce que je suis minable, mais il y en a d'autres, visiblement, ça a été plus rapide pour eux. Mais tout le monde a été, c'est une belle surprise, vraiment un très bon jeu, et je suis content que Yata ait participé à l'élaboration du test, a donné son avis sur le... Sur le jeu, c'est toujours bien d'avoir deux avis et on s'est retrouvé donc voilà, on était en osmose, on va dire quoi. Voilà. Très sur bon la jeu. Toile, c'est unanime aussi, tout le monde adore. Xeen is amazing. Enfin, amazing. C'est ça. Ouais, non, mais vraiment, je craignais ce genre de jeu. Hein. Je me suis lancé, je suis pas super fan, mais vraiment le fait de pouvoir se mouvoir dans son environnement, ça a un plus énorme parce que là, on est vraiment dans un jeu VR, on est content quoi. C'est de l'aventure avec énigmes tout ça. Et c'est vraiment varié, donc je comprends que les gens adhèrent quoi. Par contre, il faut vraiment sortir du cercle. Vous savez là ce fameux exercice où vous devez faire un carré en 6 points sans couper les lignes. Donc vous faites le carré plus les diagonales à l'intérieur. Mais l'astuce c'est qu'à un moment il faut sortir du carré pour arriver à faire la dernière diagonale. Et bien là, dans ce jeu, c'est exactement pareil. Il faut arriver à sortir du carré ou du cercle, comme vous voulez, et prendre beaucoup de recul. C'est une énigme en soi, ce qu'il vient de nous dire, je trouve, Cyril. Ouais. Ça donne... Mais c'est bien, ça rend curieux. Il faut y jouer, en tout cas. Oui, non, mais là, en plus, pour 20 balles, faut pas se cacher. Pour moi, on a flirté avec le triple A, vraiment. Ah ouais? Oui, il y a un gros travail de fait. En termes de qualité de production, c'est-à-dire même graphique On sent que de niveau en niveau, ils se sont éclatés, donc il y a vraiment un voyage de monde en monde, on va dire. Vraiment, c'est un voyage. Je craignais au début, comme j'ai dit, on prend une claque graphique, on se dit, c'est génial. Après, j'ai eu pour le premier niveau, une lassitude qui est apparue, je me suis dit j'ai commencé à avoir des défauts en fait. Les îles lointaines c'est moins bien que dans Solus Project. Là j'ai eu un bug. Et au final, j'ai poursuivi dans le jeu, de monde en monde, on est allé crescendo, c'était... Donc un gros travail de fait au niveau artistique, au niveau des énigmes, le jeu, le prix est sympa, la durée, on est sur du... On flirte avec du triple A, ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des meilleurs jeux qui est sorti en ce mois de février de cette année 2019 de cette année? Je vais dire oui pour moi. Sur le mois de février, oui, à ce niveau-là, graphique et autres, pour moi il y a pas de comparaison. Après, ça n'engage que moi. D'accord. Ouais. Là comme ça on a enregistré tes mots et je poursuis. Tout à l'heure je vous parlais de fallait que vous me rappeliez sur Xing par rapport aux évolutions des consoles. On a pas du tout fait, tu vois, je vois que vous avez été attentif à ma requête tout à l'heure, merci. Voilà, on s'est rendu compte avec Laurent que il y avait des disparités, des petits bugs qui sont apparus. Nous, on a la PS4 Pro de première génération. Et par exemple, si on parle d'Herbie qui a dû changer sa console dernièrement. Il a pas eu ces petits bugs qui sont apparus, tu vois. Donc on s'est posé la question de savoir si effectivement ces petites améliorations invisibles qui ont été faites à la console ont pas une incidence sur le jeu. Moi je crois bien. Moi, parce que je crois qu'il avait eu Laurent avait eu un souci sur Intruders. The Intruders, voilà, que n'a pas eu Herbie par exemple. Donc question. Ouais. C'est bien possible. Hein. C'est bien possible. En tous les cas, foncez pour Xing, si vous ne l'avez pas, mais n'ayez pas honte et n'ayez pas peur d'aller l'acheter. Oui, et surtout, vu qu'apparemment, ce n'est pas trop ton truc, les jeux d'énigmes, toi, tu l'as trouvé quand même plutôt user-friendly quand même. Ouais, je me suis arraché les cheveux quand même, hein. Vous avez vu, j'en ai pas mal déjà, mais il y a des moments où je me suis bien creusé la tête, et je sais que c'est tous les joueurs ont rencontré des difficultés, mais c'est propre au genre, si c'était trop facile, ça serait trop linéaire, et là non, justement, on n'est pas dans la linéarité de ce type de jeu, quoi, de puzzle game, voilà, non. D'accord, donc Xing, The Land Beyond, 20 valeur euros, sûre. C'est du tout bon. Voilà, c'est la référence du genre sur PSVR. D'accord, tout simplement, ok, on va pas avoir peur des mots. Non. On va rester dans le monde de la magie avec The Mage Tale, Cillion. Oui, The Mage Tale, c'est festival cette année des jeux de magiciens, des simulations de sorciers. Et The Mage Tale, on en parle depuis un petit moment, c'est leur tour, ils ont bon, il aurait dû... Enfin, disons que le jeu, le studio a été racheté par Microsoft, donc on avait de sérieux doutes sur, bah, sur son apparition sur PSVR, et si ils avaient dû signer déjà pour la version PSVR, donc elle était déjà en cours de développement, donc voilà, elle est arrivée. Et c'est un vieux jeu, faut bien dire que c'est un vieux jeu, c'est finalement le premier RPG en réalité virtuelle du marché, tout simplement. Il était sorti sur PC celui-là, non ? Bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est le premier. Il y a un petit moment, ouais. Ouais, il y a très même longtemps. C'est pour ça que la réalisation est très très correcte, hein, mais un peu vieillotte. C'est vrai que c'est un dungeon crawler, ça veut dire qu'on parcourt des couloirs infinis de donjons, parsemé de monstres, on commence gentiment avec des gobelins d'un mètre cinquante et puis on monte après vers des monstres beaucoup plus impressionnants. Et heureusement, les sorts qu'on gagne en récoltant des objets qu'on crée nous-mêmes avec une marmite ou qu'on découvre logiquement dans le fil de l'aventure augmentent aussi et c'est assez fun de balancer, donc ça se joue exclusivement au move, c'est assez fun de balancer comme ça des sorts. Alors, j'ai pas encore été assez loin dans le jeu pour donner un avis définitif, mais bon, moi j'aime bien. C'est aussi l'Heroic Fantasy, c'est un genre que j'aime bien. Action, aventure, une grosse dose d'humour. Tout est en anglais, mais vous pouvez avoir des sous-titrages en français, en allemand, en anglais, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bien. Oui. Et information que m'avait soufflé Cyril, le jeu va bénéficier d'un patch pro. J'espère qu'il va bientôt arriver parce que moi j'aime pas trop jouer au jeu quand je sais déjà qu'il va y avoir un patch derrière, ça m'embête un peu de le faire parce que le jeu est long. Hein. Le jeu est long, il peut se finir entre 8 et 10 heures, donc c'est quand même quelque chose de correct. Bon, le prix est. Le prix était de 30 euros, si je dis pas de bêtises. Hein, je l'ai acheté. C'est honnête. Ça va, mais voilà, c'est quand même un investissement. Il sera en promo un de ces quatre, hein, pas de problème. Oui. Voilà, ce match sale du studio InXile, donc racheté par Microsoft. Sympa, moi j'aime bien ce genre, donc voilà, mais il faudrait que j'aille davantage en profondeur dans ce donjon pour en dire plus. Quand il y aura le patch pro. Oui, et bientôt sort The Wizard, exactement dans le même style, donc toujours jeu de magicien, c'est 12 le 13, mars. Hein. Le 12 Oh, ouais, si c'est un mardi, c'est le 12. Et donc, celui-là me fait bien aussi envie. Il a été pas mal retardé, par contre, celui-ci. Il va sortir sur PlayStation VR dans une Enhanced Edition, donc une version vraiment pensée, revue et corrigée pour le PlayStation VR. Et améliorée accessoirement. Oui, il y aura un niveau en plus, des monstres en plus, des mécaniques de gameplay en plus. Voilà, un jeu qui a l'air d'être très sympa aussi, assez long. On devrait être plus dans les 5-6 heures d'après les premiers avis, qui est sorti aussi sur PCVR. Donc voilà. Ça, ça vous dérange pas, vous, sous ces portages de PC au PSVR ? Bon, on est obligé d'y passer, hein, de toute façon. Bah, enfin, moi, tant que ça, étoffe un petit peu le catalogue sur PSVR, je vois vraiment pas ce qui est négatif dedans, à moins que t'aies un casque PC et que t'as pris le PSVR pour des exclus, auquel cas, au pire, ça t'intéresse pas. Ces portages, non, je pense que c'est bien justement le gros problème de la réalité virtuelle au début, justement, c'était de cloisonner un petit peu tous les marchés de tous les casques à droite à gauche. Le fait que tous puissent, enfin, le maximum de jeux puissent se retrouver sur PSVR, moi je trouve ça extrêmement positif. Hein. Mais surtout dans le cas de The Wizard où il sera amélioré, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Si c'est pas purement un simple portage, ouais, c'est. Ouais, parce que j'en reviens avec Xing, c'est pareil, hein, il était sur PC, c'est un portage, mais bon, il y a eu l'intégration, l'effort de fait d'intégrer les moves, tout ça, c'est intéressant, moi, je trouve ça c'est de bon augure. C'est inévitable, hein, d'avoir des jeux PCVR en version PSVR après, c'est une chronologie qui est due aux early access, aux bêta qui ne sont pas vraiment communes sur console. Moi en tout cas. Et puis il y a aussi tout le process du cahier des charges qualité de Sony qui est assez long. Ouais. Et aussi un calendrier un peu obscur des sorties, les développeurs eux-mêmes sont souvent, pas les derniers, mais très, très tardivement informés de la sortie possible de leur jeu. Ouais. Il faut vivre avec, hein. Sinon si on n'avait pas de jeu PCVR, on aurait 10 jeux, hein. 15 jeux. Non, j'exagère, mais... Ouais, oui, non, c'est sûr. Non, mais en plus, il ne faut prendre que le bon, par contre. Voilà, exactement, tu as raison. Hein, il faut faire le tri, parce qu'il y a vraiment des très mauvais jeux PC VR retranscrits sur PSVR, un peu à la hache. Hein. Et puis tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a dans le catalogue, rien que sur Steam, là, c'est la cour des miracles un petit peu là-dedans. Donc il faut vraiment savoir choisir. Hein. Et même du niveau téléphone portable, hein, on va pas en parler, mais est sorti la semaine dernière Deadland VR. C'est pratiquement, enfin c'est une honte de sortir ça sur PlayStation presque. Ouais, mais alors là on va sortir un peu du sujet, mais c'est quand même fantastique que certains batailles, comme on a pu le lire là, dans la semaine, batailles pour pouvoir porter leur jeu sur PlayStation VR et n'ont pas de réponse ou très tardive après beaucoup d'insistance de la part de Sony, et d'autres ils ont un pont ouvert, c'est quand même fantastique quoi. C'est qu'est-ce qu'il en est pour Steve, vous avez ça a été en relation toujours avec un petit peu, ouais, Steve Kilofer, donc pour Furballs, Demolition. Je sais qu'il était extrêmement occupé dans le privé en ce moment, vu qu'il vient d'être papa. Je pense qu'il est, il doit être dans les couches, là, le pauvre. Je sais ce que c'est compliqué. Et voilà, il a dit de toute façon qu'il ne pourrait pas, dans les mois proches à venir, se pencher sur la version PSVR. Donc, on aura certainement des nouvelles d'ici cet été ou. Oui, il a sorti des petits plus sur la version PC. Il n'arrête pas de bosser dessus. Voilà, rajouter toujours les petits événements qu'il y a selon les saisons. Il y a le multijoueur aussi qui est sorti, que j'ai eu l'occasion de tester et de faire tester dans ma famille, qui a bien plu. Ouais. Donc voilà, on en saura plus, mais pour le moment, voilà, faut laisser un petit peu se concentrer sur l'essentiel. Je pense. Ouais, non, mais c'est bon. Bon, de toute façon, il s'est engagé, donc il a intérêt à le faire, sinon on va chez lui et... On lui casse la gueule. Hein. Voilà. Steve, si tu nous écoutes, voilà. donc voilà. Donc, Deadland VR, tu veux pas dire juste vite fait ce que c'est sinon, juste pour... Fais-nous rêver, vas-y. Deadland VR, donc un jeu de zombies, en vue à la première personne. Et en fait, vous ne faites qu'avancer dans un décor tout plat, digne d'une réalisation d'il y a 10 ans, avec des zombies tantôt debout, tantôt qui courent, tantôt qui vous font signe, tantôt qui rampent. On est très très très loin de Resident Evil 2. Hein. Et le but, c'est donc de les éviter, ou si vous ne pouvez pas de les tuer encore une fois, vous pouvez le faire avec des armes diverses et variées propres au monde apocalyptique des zombies, des flingues, des fusils à pompe, des haches, des trucs comme ça. Vous récupérez parfois en cassant des choses dans le décor, des munitions. Mais c'est tellement horriblement fait. Regardez une seule vidéo sur YouTube, vous allez tout de suite être vacciné. Vous êtes touché une seule fois, vous mourrez. Une durée de vie... aussi long que celle d'un moustique, enfin c'est ridiculement mauvais. Ouais. D'accord. Au moins le fait d'être touché une seule fois, t'es mort. Je pense que si tu croises un zombie, ça sera la réalité. Toi, t'as pas suffisamment joué à Resident Evil dans ta vie, je pense. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, on en reparlera. Ça me fout les jetons tous ces jeux là. Donc, suffit de trouver de l'herbe et puis ça repart. Hein. L'herbe verte. Hein. Attends, j'ai fait Resident Evil 6 quand même. Hein. Et bravo. Ah ouais, tu vois, classe. Ah, c'est le seul que j'ai pas fait. Ouais, c'est pas le meilleur apparemment. C'est pas le pire. Mais bon, il proposait de la coop et je joue principalement en coop, donc voilà pourquoi. D'accord. Eh ben, on va enchaîner sans transition. Eden Tomorrow, développé par Soulpix. On va changer de siège. Alors, tu as testé le jeu. Oui, Eden Tomorrow, absolument, du studio Soulpix. Parle-nous de ce nouveau jeu d'aventure et de science-fiction. Et ben voilà, donc tu as très bien résumé. C'est un jeu d'aventure narratif, science-fiction, vraiment porté par la narration, et j'insiste là-dessus, on y reviendra un petit peu plus tard. Premier point alors, on a un astronaute en fait qui s'écrase dans sa capsule sur une planète inconnue. On se fait directement attaquer par un gros Stremont. Dis-moi, c'est Farpoint ? C'est pas Farpoint, et non, ça serait bien, bien bête en fait de le comparer à Farpoint, parce que ça a absolument rien à voir. Peut-être la couleur des textures et des décors de temps en temps, mais à part ça, non, ça a absolument rien à voir. C'est pas du tout un jeu de tir, on n'aura aucun moyen de se défendre. On pourra même pas jeter des cailloux dans la gueule des dragons. On pourra uniquement fuir. C'est une fuite en avant tout le long du jeu qui va durer entre 5 et 6 heures, peut-être un peu plus longtemps pour les plus complétistes et ceux qui voudront chercher tous les petits objets cachés et les audiologues. Assez nécessaire pour rentrer dans l'ambiance et comprendre l'histoire. Mais non, en fait, on est accompagné donc par un petit robot qui s'appelle Newton, qui est un drone, qui fait un petit peu penser au robot qu'il y avait dans... Robinson dans Postal 2. Il m'a plus pensé au robot de Postal 2. Non, celui de Robinson, je l'ai déjà complètement oublié. J'ai déjà complètement oublié ce jeu, d'ailleurs. Bah non, c'est un tort. et donc voilà, c'est une fuite en avant. Il y a une grosse diversité au niveau des décors, au niveau des situations, au niveau même des monstres qui peuvent nous poursuivre. Il y a quelques petites énigmes, mais bon, ça va pas péter très loin. C'est un système en fait de hacking de temps en temps de portes ou d'ordinateurs ou de modules. En fait, je sais pas comment expliquer ça. En fait, on a une espèce de truc en 3D comme ça qu'il va falloir tourner sur un axe central et avec un certain nombre de coups disponibles. C'est tellement simple en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre limité de coups à la moitié du jeu à peu près. Où je me suis dit, c'est bizarre, ça s'est réinitialisé, alors je n'avais pas terminé. Enfin bref, voilà. Donc voilà, en fait, l'intérêt, ça ne va pas forcément être les énigmes. Donc on va pouvoir rentrer dans le petit robot Newton pour explorer, pour ouvrir certains passages. Mais alors, c'est bien ou pas Eden Tomorrow ? Eh ben, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, en fait, parce que c'est super joli. L'histoire est classique mais vraiment intéressante et super bien racontée avec des petits retournements de situation, des révélations au fur et à mesure. J'insiste, c'est vraiment un jeu carte postale. T'as des passages, tu restes devant, enfin, y a 2-3 passages, vraiment j'ai bloqué devant les décors et devant les situations. Il y a même certains petits moments de grâce comme ça de temps en temps où on se laisse porter justement par Newton. C'est beau. Là, ils ont mis le paquet justement sur des effets de lumière, sur des effets d'ambiance, etc. Qui ponctuent bien justement des passages un peu plus nerveux. Il y a des passages aussi en furtivité qui est pas ultra maîtrisé, on va dire. Il y a beaucoup de fois, je suis mort, je n'ai même pas trop compris pourquoi en fait. J'avais l'impression de bien faire et finalement le jeu m'a dit que non. voilà. Comme à l'école, et... quand la maîtresse te rendrait ta copie. C'est ça. Comme ta femme. Non, je rigole. Comment tu sais ça, toi? ce Eden Tomorrow, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai été comblé de le faire à la fin, quand le générique a défilé. J'étais vraiment content du truc. Le gros point noir de ce jeu, c'est qu'il est intégralement en anglais ou en allemand et qu'il n'y a pas de sous-titres, même en VO. Même les menus sont en anglais ou en allemand. Que le jeu est extrêmement bavard et que si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est même pas la peine de le prendre parce qu'en fait, ça sera qu'une succession d'images jolies, hein, certes, mais ça sera que des images que vous allez regarder sans rien panner à l'histoire et c'est vraiment dommage. T'avais donné la raison, Cillion, quand t'avais discuté justement avec le développeur, la raison pour laquelle il souhaitait pas mettre les sous-titres, même en VO. Oui. C'était pour justement éviter les problèmes d'immersion. Oui, il ne peut pas casser l'immersion parce qu'il était vraiment contre le fait d'avoir tout d'un coup des surimpressions de mots dans un jeu en VR. Et on avait ouvert un mini débat à ce moment-là, hein, je m'en rappelle bien. J'avais essayé, comme toi, j'avais dit non. Non, ce serait quand même tu bien. Tu l'avais squeezé, pour le dire. Bah oui, mais... Bon, après, il faut regarder la vérité en face, son point de vue, c'est un petit studio, et ça coûte très très cher de traduire, et surtout de doubler. Parce que doubler, c'est pas juste avoir 2-3 personnes, c'est aussi choisir des voix qui sont de vraies voix, et aussi de choisir des acteurs, des gens qui peuvent exprimer des émotions. Il faut même parfois prendre un coach en plus. Donc, et il y a quand même beaucoup d'audiologues, ce qui fait que pour lui, c'était mission impossible. Et je disais, regardez la vérité en face, c'est que le marché français... Oui, mais c'est ça. Mais c'est nous, pas énorme, quoi. On est très, très français, très nombriliste, on va dire. On oublie que le marché international, c'est l'anglais, c'est pas le français, quoi. Mmh. Voilà. Et c'est complètement contradictoire avec le format narratif du jeu, c'est clair. Voilà. Je suis d'accord avec toi, évidemment, sur la problématique de prendre des acteurs de doublage et à la limite faire le truc bien, mais juste une traduction, même juste les sous-titres en VO, je sais que ça aide beaucoup de personnes justement à mieux comprendre ce qui se dit. Parfois ça parle vite, en plus dans ce jeu, parfois Newton, tu sais, il glitch un petit peu, il y a des petits effets comme ça dans les voix de temps en temps quand il commence à bugger un petit peu. C'est vrai que des fois il y a quelques morceaux de phrases qui peuvent t'échapper. Ouais. Si t'es vraiment pas habitué à l'anglais ou si tu le parles pas couramment, il y a tout des pans de l'histoire que tu peux complètement passer à côté. Après, tu vas nous répondre, ce jeu là, Eden Tomorrow, c'est comment dire, ça a l'air d'être assez plat quand même. Donc effectivement, les sous-titrages ou ne serait-ce qu'une voix, une voix française même, ça aurait pu, ça avait sa place quoi. Au moins les sous-titrages en français, ça avait sa place. T'es pas poursuivi par l'action ou t'attends de prendre recul et de cogiter, on va dire. Donc non, en fait, non, parce qu'en fait, t'as beaucoup de dialogues qui peuvent intervenir quand t'as des ennemis justement qui te collent au train ou pendant des phases d'action ou quand tu te caches, etc. Ça parle pas uniquement dans les moments de calme, non, vraiment. D'accord. Dans l'action, ça peut... Donc, les propos du développeur de Franck, hein, c'est ça. Oui. Ouais, ça se recoupe, parce que là, je vais vous faire une bombe encore une fois, là, je vais vous casser les oreilles avec ça, mais dans Ace Combat 7... Oui, mais... parce que moi, Ace Combat 7... voilà, et bien écoute, dans Ace Combat 7, c'est pareil, les voix off sont en anglais, et il y a du sous-titrage en français, mais t'es tellement pris dans l'action que tu n'as pas le temps de lire, c'est pas possible, c'est impossible de lire la traduction. Donc voilà, c'est ça que je voulais savoir, si dans Eden Tomorrow c'était possible ou si ça allait vraiment polluer le jeu, et si t'es en plein affrontement ou comme tu dis, t'es en train de fuir un verre ou je sais pas quoi là, mais tu n'as pas le temps de lire puisque tu dois te concentrer sur ce que t'es en train de faire. Non mais ça, ouais. Il l'a dit dans son test, l'idéal serait de laisser le choix au joueur au moins. Ouais. Rien qu'en VO, laisser les sous-titres en VO. Rien que ça aurait pu au moins aider ceux qui comprennent pas forcément l'anglais parlé, mais qui peuvent au moins se repérer dans une phrase quand ils l'ont écrite devant eux. Ouais. Laisser le choix aux joueurs, il faut pas perdre de ça de vue, je pense, quand tu développes un jeu. Je lâche pas l'affaire. Avec Franck, on s'écrit régulièrement, il habite vraiment à côté. Je pense que dès qu'ils auront un nouveau projet VR, on sera dans les premiers à vraiment pouvoir en parler concrètement. Mais pour revenir sur Eden Tomorrow, voilà, je lui ai proposé de traduire. Il a dit « Ah, il y a quand même beaucoup de choses ». Ça voulait dire que la porte n'était pas non plus fermée. Je vais revenir C'était dessus. C'était trop tard, peut-être. Ouais. Mais de toute façon, les jeux PSVR, souvent, ils ont des deuxièmes vies ou des troisièmes ou des quatrièmes vies avec des patchs. Hein. Je parle même pas des patchs pro, mais il peut très bien y avoir plus tard un patch qui fasse revivre le jeu en France. Hein. C'est pas un problème. Ça serait bien. Après, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'un jeu, il se vend dans les premières semaines où il sort. S'il a une mauvaise presse... Les soldes aussi peuvent jouer. Ouais. Et s'il a une mauvaise presse, et ben, dès le départ, voilà, ça pique un peu pour les ventes, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, faut garder ça en tête. Je pense que tu auras quand même pas mal de boulot si tu dois traduire un jeu comme Eden Tomorrow, ouais. Parce qu'effectivement, c'est très bavard. Le jeu est quand même long, hein, je le rappelle, 5-6 heures. Pour nous autres Français, c'est un frein à l'achat, peut-être. Ouais, okay. Complètement. À noter quand même qu'il est à 20€ pour la durée de vie, pour la qualité de la production. Je pense que. Ah, et les musiques aussi, j'en ai parlé. Ah, voilà, ouais. Elles sont sympas, ces musiques ou pas? Parce que, ouais, écoute, j'ai regardé ta vidéo de test qui est excellente. Voilà, au passage. J'ai trouvé ta dualité avec le petit robot vraiment sympa. Ah, ce salaud là. Ouais, il te fait la vie dure, mais vous êtes vraiment très complices. C'est. Je sais pas. C'est ta femme, non après. C'est pas ta femme ou un c'est truc comme ça femme, non ouais. Oh la pauvre. Elle prend cher ce soir. Écoute, moi de ce que j'ai vu, j'ai l'impression d'être dans un peu à la Star Wars, tu vois. Et pour moi, Star Wars, avec des musiques dantesques et d'anthologie. Donc, est-ce qu'on les retrouve? Est-ce que tu as eu cette impression, ce ressenti-là, pareil? Clairement, oui, en fait. C'est vraiment un thème qui est vraiment marquant, qui marque bien l'action. Il y a beaucoup de musique de jeux vidéo, enfin, je suis un gros passionné de musique, mais il y a pas mal de thèmes justement qui me sont complètement passés à côté alors que tout le monde a dit que c'était vraiment des gros points forts au niveau des jeux. Je pense notamment à celle de FF15, tout le monde a dit que c'était le gros point fort du jeu et peut-être même le seul. Il m'en a touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Il m'est sorti complètement de l'esprit. Ouais. Et le thème de Eden Tomorrow, c'est, à mon sens, en tout cas selon mes goûts, c'est un des plus marquants que j'ai eu dans un jeu en VR. D'accord. En VR. Ouais, c'est dantesque, c'est prenant, ça t'a pris au corps, quoi. C'est prenant, voilà, c'est épique, et voilà, ça fonctionne très très bien de ce côté-là, donc franchement, pour ce type de production, on va dire double A, je sais pas comment est-ce qu'on peut le classifier, ouais, d'ailleurs, ouais. Si on doit forcément mettre une étiquette, Eden Tomorrow, voilà, 20€ pour un jeu comme ça, qui est long, qui peut être prenant, en tout cas, si tu comprends bien l'anglais, qui a une bonne histoire, qui a une bonne mise en scène, qui a des super musiques, qui a des jolis graphismes, et vraiment des très jolis graphismes de temps en temps. Voilà, je pense, pour moi, ça reste une bonne pioche, et on en discutait tout à l'heure, hein, la mauvaise presse qu'il a justement dans les premiers tests, je le trouve un petit peu dur, donc question de goût après. Hein. C'est toujours pareil, faut savoir s'ils ont fait le vrai test, quoi. Si c'est joué qu'une heure sur 8, ça pèse pas lourd, quoi. Ouais, mais après, moi, je suis content que c'est Sosei qui ait fait le test plutôt que moi et qu'il ait aimé en plus, parce que déjà c'est pas ma cam, et puis bon, bah, puisque j'étais en relation avec le studio, que j'ai bien aimé la démo quand même, peut-être que j'aurais surnoté le jeu et ça aurait pas été juste. Donc tant mieux s'il a aimé. Pour juste revenir sur la musique, c'est vrai que c'est très important dans les jeux. Et sur Eden Tomorrow, tu vois, ils n'ont pas payé de doubleur pour la version française. Par contre, ils ont payé carrément, ils se sont payés un groupe de musiciens classiques de la ville de Hanovre. Et ils ont engagé un vrai compositeur. Alors, il s'appelle Dirk, le prénom, et je ne sais plus son nom. Et l'air quelque chose. Et donc, qui a créé vraiment la musique de A à Z d'Eden Tomorrow. Et avec le kit presse, j'ai toutes les musiques du jeu en MP3. Et c'est vrai qu'elles sont très bonnes. Hein. Très sympa. Mmh. Mmh. Ouais, c'est important. Mmh. Ça contribue énormément à l'immersion. Ouais. Je sais pas, il y a plein de jeux. Je sais pas, Chromagun, les musiques, c'est quand même pas top. bon, après, Eden Tomorrow, au contraire, c'est un jeu narratif, donc il faut que la musique soit très forte, quelque part. De toute façon, quand dans un jeu, tu as des velléités cinématographiques, tu es obligé d'avoir une musique qui suit derrière, sinon... Ouais, c'est ridicule, sinon. Si tu mets la musique de Mario sur les panoramas d'Eden Tomorrow, tu comprends pas. Hein. Ouais, c'est spécial, hein. Ouais, c'est spécial, ouais. C'est faisable, hein, je pense. De l'idée. D'ailleurs, il y a une juste une parenthèse, what the fuck, il y a une vidéo YouTube débile qui montre Resident Evil 7, toutes les scènes les plus horribles, avec une petite musique toute rigolote. c'est drôle de mettre ce enfin de confronter, ouais, c'est très drôle, ça dédramatise un petit peu, voilà. Et je vais peut-être le refaire avec une musique enjouée, peut-être que je vais réussir à le finir. À la con. Pourquoi pas. Tu vas tout voir tout rose, tout va te paraître normal. Oh, il y a un bouffé des oreilles, c'est sympa, finalement. Ah, c'est bon. Bon, après, on mange bien les oreilles de cochon, donc pourquoi pas. Hein. Non, non, non, tu manges les oreilles de cochon. Ah non, pas moi, mais je sais que dans certains pays, ils le font, donc ils les font griller, tu vois. C'est fait comme des chips, apparemment. D'accord. Non, c'est vrai, d'accord. C'est pas des conneries. Ah oui, oui, oui. It is now. Bon, alors on va passer. Bon, on a fait le tour sur Eden Tomorrow. On va passer à Crisis Brigade. Je sais pas du tout comment le prononcer, en fait, ce truc-là. Ouais, mais tu l'as bien dit, je pense. Hein. Ouais. Moi, je voudrais lancer un message à tous les studios, à tous les développeurs qui essaient de faire des jeux de mots avec VR dans leur titre de jeu. Arrêtez. ou ceux qui font des podcasts aussi, hein. Parce que autour d'un VR, excuse-moi, mais bon, oui, originalité. Bon, d'accord. Oui, mais au moins c'est drôle. Crisis Brigade, Sculpture VR, Cool Paint, ouais. VR. Enfin, il faut arrêter. Et tous ces titres avec VR à la fin, à un moment donné, il faudra les abandonner. Hein. Ça commence à être lourd aussi. Hein. Ah, bah c'était comme, tu sais, Nintendo 64, t'avais Mario 64, t'avais Zelda 64, t'avais Wave Race 64. Mais tu vois ce que tu dis, Sidion, c'est les trois quarts des studios que t'as énoncés, ils sont espagnols. C'est peut-être leur tendance à eux. Ouais. Ah, peut-être, ouais. Parce que là, pour Crisis Brigade, donc, c'est un studio espagnol, Sumalab. Et voilà, ils ont porté, donc là aussi ça vient du monde PC, ils l'ont porté sur PSVR, et ils ont sorti ça donc le 15 février, c'est un petit prix, c'est 4,99€, le jeu dure, jeu, hein. Ouais. Voilà, 7 minutes d'action, c'est un braquage à la terroriste, on va dire, alors il y a des morts de partout. C'est Okami qui a réalisé le test, donc vous pouvez le découvrir, il n'y a aucun problème. Et donc 7 minutes, vous êtes un policier, 7 minutes pour vivre l'expérience à fond. Et c'est très difficile ce qu'il en ressort de son test. C'est 7 minutes intenses parce que vous avez deux modes de difficulté, le mode rookie et le mode L. Sachant que mode rookie, au bout de 3 impacts, vous êtes éliminé. Et le mode L, c'est comme avaient les zombies, t'es touché, t'es mort, quoi. Voilà. Voilà. Donc. Beaucoup de difficultés, ça sera le gros point noir du jeu, parce que très dur. C'est 7 minutes qui vont être redoublées, triplées, quadruplées, quintuplées pour arriver vraiment à faire ces 7 minutes, parce que dès que vous êtes mort, vous repartez à zéro. Donc il va falloir mémoriser le parcours et le positionnement de vos ennemis pour c'est aller parcours, de bon en bon, de plus en plus loin jusqu'à la fin. Quoi. Voilà. Ah bah c'est du Resident Evil 2 et, ouais, quasiment, ouais. Voilà. Et donc, bon, on a affaire quand même à un jeu sympa qui prend en considération donc, la DualShock 4, les moves et l'M Controller. C'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. Il y a un gros effort de fait de ce niveau-là. De ce côté-là, pardon. Au niveau graphique, on est un peu dans la même ligne de conduite que The Perfect Sniper. Voilà, c'est coloré, c'est un peu cubique, c'est simple mais propre, c'est ce qu'on demande à un jeu VR. Un petit peu, non ? Comment ? Rec Room un petit peu, non ? Dans les graphismes. C'est très cubique, hein ? Rec Room, c'est plus arrondi quand même, mais oui, c'est un peu le même genre, c'est du low. Voilà, ouais. Mais au moins c'est propre et donc c'est ce qu'on demande à un jeu, voilà. Donc, moi ça me faisait penser à Out of Ammo dans les graphismes. Ouais, bah par contre, tu vois, Top of Mouche, j'ai plus l'impression que ça se rapproche de Minecraft que de. Ouais, là c'est un peu plus cubique, hein, Out of Ammo. Ah, là c'est un peu plus. Pour moi, c'est plus The Perfect Sniper. Hein. Ouais. Mais ce qui est drôle dans ce jeu, donc, c'est que les graphismes, comme tu dis, sont hyper basiques, mais c'est hyper gore, non ? Ouais, il y a du sang un peu partout. Ouais, tu peux shooter. Alors par contre, une petite anecdote, on va dire, dans le jeu, enfin c'est pas une anecdote, je dis des âneries là. C'est très gore. Donc t'as ton terroriste qui est en face de toi, ou tu te retournes, il est derrière toi, bam, tu lui mets une bastos dans la tête, il va y avoir du sang de partout, alors là par contre, pixelisé à la Minecraft, on va dire, t'as le casque qui va sauter, par contre la tête est nickel, donc c'est gore sans l'être, quoi, voilà. Ouais, ça reste gentillé, quoi. Ça reste gentillé, mais bon, voilà, ouais. Tu vois, c'est la petite parenthèse, on va dire, quoi. Donc voilà, Souma Lab, ils ont porté ce jeu-là. La durée de vie, elle va être assez importante. Tout dépendra de votre capacité à mémoriser le parcours et le positionnement des ennemis. Mais pour 5 euros, c'est une valeur sûre aussi. Voilà. 5 euros pour 7 minutes de jeu, et à mon avis, pour le terminer en 7 minutes. Il en faut un peu plus, quoi, de jeu. Hein. Voilà, l'expérience dure 7 minutes, mais si tu arrives à aller jusqu'au bout, quoi. Donc visiblement, là, Okami, il a passé un peu plus de temps quand même dessus. Mmh. Voilà. D'accord. Il n'y a qu'une seule map aussi. Ouais, c'est ça. Oui, il n'y a qu'un seul niveau. Tu as ton lieu de braquage et puis tu as 7 minutes. Alors, tu as des checkpoints un peu où tu vas choisir la difficulté à venir. Mais voilà, c'est progressif. Ça dure 7 minutes. C'est un braquage. Voilà. Mais c'est sans déplacement libre, hein, en fait. Hein. C'est pas ça ? Je sais pas. Ouais, c'est un peu du wave shooter quand même, hein, tu vois. Allez, un mélange de wave et de rail shooter à la fois. Ouais. Okay. Tu vas de couverture en couverture, en fait. C'est ça. Par contre, voilà, j'ai oublié d'en parler. Tu peux interagir avec ton environnement, te mettre en protection. Tu bouges quand même, c'est assez sportif. Et t'as une belle immersion, surtout au niveau du rendu du sifflement des balles et autres, donc ouais, t'étais dans un braquage, quoi, donc généralement quand ça pétarade de partout, le premier réflexe c'est de baisser la tête, et là tu fais pareil. D'accord. Voilà. Donc un bon petit jeu cacahuète. Un simulateur de braquage, voilà. D'accord. Et justement, ils ont fait aussi un autre jeu qui sont sortis, je crois, la même date. Ouais, voilà, écoute, ils ont dû profiter de la Saint-Valentin et ils ont tout pondu alors, je sais pas ce qu'ils ont fait le soir de la Saint-Valentin, mais en tous les cas, le 15 février était sur le store les deux jeux. Et le deuxième jeu, c'est Trainer VR. Voilà, donc encore un jeu de mots, hein, quelque part. Ouais. Et là, là, on retombe en enfance. Ou pour les passionnés de modélisme de gare SNCF, de gare ferroviaire et de tronçons, on va apprendre à jouer et à recréer son parcours du petit train qui va bien. Et voilà. Alors là, pareil, Okami, il est en train de peaufiner, il a fait sa vidéo de preview qui est disponible sur le site, si vous voulez la voir, il n'y a pas de problème. Il est en train d'aller plus en avant dans le jeu pour procéder au test. Mais déjà, les premiers retours sont sympas parce que c'est assez ludique et on se prend en jeu, quoi. Voilà. Faut aimer les petits trains, par contre. Voilà. Ces petits trains en bois, en fait. Enfin, moi, je sais, je joue pas mal avec mon gosse, justement, en ce moment. On a exactement le même, mais en vrai. Ouais. C'est les petits trains en bois avec les petits rails en bois, comme ça, qu'on peut imbriquer les uns dans les autres. Ça, ouais. Et c'est, ouais. C'est quoi le but du jeu, en fait? À part faire tourner ton petit train. Alors, tu crées ton. Alors. Là aussi, j'ai pas suffisamment d'informations sur le thème, mais tu crées ton parcours, tu dois développer et débloquer pour accéder à des nouveaux tronçons, de nouveaux profils, on va dire. Donc voilà. Mais Okami vous présentera ça parfaitement dans son test. Voilà. Là aussi, petit prix, donc ça peut être sympa pour qui aime les petits trains, quoi. Voilà. Les petits trains, ok, voilà. Ça marche très très bien. Ok, Sillion, tu voulais nous parler de Dick Wild 2. Ouais, Dick Wild 2, on avait bien aimé le premier qui était sorti aussi sur PCVR et PSVR. C'était une bonne surprise. Ouais, qui était devenu compatible avec l'AIM Controller, donc deuxième jeu après Farpoint à être compatible AIM Controller, donc par un patch, le premier du nom. Et la sortie est. Enfin, le deuxième, pardon, est sorti plutôt vite. Il a été annoncé en début d'année, il est sorti donc là, il y a quelques jours maintenant. Il est vendu, 18€. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont rajouté plusieurs petites choses qui étaient réclamées par la communauté, à savoir de la coop. On peut maintenant enfin jouer à deux. Et puis, ça, c'est cool. Puisque c'est un jeu hyper fun qui se prend pas la tête, hein, c'est un shooter, hein, un wave shooter hein, dans l'esprit. Donc, c'est de la pêche à l'arme d'assaut. Hein. Fusil, quoi. Donc, fusil. Voilà, avec un système de progression un peu qu'on pourrait rapprocher de la famille des wave shooters, The Brookhaven Experiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu passes un niveau, tu gagnes des points, tu peux les dépenser pour acheter ou bien de l'équipement qui t'aide, qui te donne plus de coups critiques. Plus d'armure, plus de vie, etc. Ou bien donc dans des armes différentes et qui sont restées vraiment dans l'esprit du premier, paintball, fusil à pompe, minigun, des choses comme ça. Et le tracking à l'aim est encore une fois excellent, ça c'est vraiment très très agréable. Et, très précis. Ouais, donc ça, c'est... Et puis le jeu est pas moche, hein, il est pas flou, donc ça reste très agréable à jouer, des graphismes simples mais qui vont bien avec l'esprit cartoon et le ton humoristique du jeu. Et donc encore une fois, pouvoir le faire à deux, c'est encore plus fun. D'autant plus qu'ils ont enrichi le jeu de pas mal d'équipements cosmétiques, hein, que tu peux gagner aussi. Des chapeaux, des choses comme ça, donc ça peut être très drôle. Et le jeu n'est pas que coop, il est aussi crossplay, donc cette fois-ci on pourra jouer avec des jeux PCVR, et c'est assez rare de le signaler dans la famille PlayStation. Ouais, parce que ça se faisait rare ces derniers temps. Autant ça avait commencé beaucoup de jeux crossplay au lancement du casque, autant depuis pas mal de mois ou d'années, ça avait tendance à disparaître quand même cette possibilité. Donc Spanx est dessus, il a déjà sorti sa preview. On va s'amuser normalement ce week-end en coop ensemble pour voir ce qu'il a dans le ventre à deux. Et Spanx nous fera un test écrit et vidéo en bonne et due forme. Maintenant, t'es obligé. Ouais, il va bosser t'es un obligé peu. Maintenant, Spanx. Et et ça te fait du bien de travailler, tu vas voir. Bon, par contre, à voir. Hein, à voir, est-ce que Dick Wild 2, qui est quand même très, très comparable au premier, est-ce qu'il apporte vraiment plus, hein, parce que le premier était bien, mais c'est pas non plus c'est pas un hit, hein. C'est pas un incontournable. Je sais pas si tu l'as dit, Sillion, il y a une énorme différence entre le premier et le deuxième. D'accord. C'est que le premier c'était un wave shooter statique, finalement. Statique, voilà, où tu bougeais pas, et là c'est un rail shooter. Ouais, c'est-à-dire que t'avances sur ta petite barque et tu choisis ensuite, t'es sur une rivière sur ta petite barque, et ensuite tu peux choisir si tu veux aller à droite ou à gauche, on va dire normal ou difficile. Oui. C'est vrai. Et c'est la grosse différence, et du coup ça change tout au niveau des décors. Ça... Oui, voilà, enfin, ça bouge autour de toi, il y a des embranchements aussi qui peuvent un peu amener de la rejouabilité au titre, c'est vrai, t'as raison. Et autre chose pour finir sur Dick Wild, c'est la difficulté. Par contre, le jeu reste quand même bien dur. Hein. Mais le premier déjà l'était, voilà. Il était bien hardcore très rapidement. C'est ça. Ouais, c'est le principe de ce genre de jeu quand même. Ouais. Il faut vraiment tirer sur les ennemis les plus proches et aussi bouger la tête pour éviter. Faut esquiver, c'est ça. Et bon, ça se fait naturellement avec l'aim, mais ça reste un jeu quand même assez de performance. Voilà, c'est pour ça qu'on va voir ce que ça donne à deux, si c'est beaucoup plus dur ou pas. Je vais compter sur Spanx qui a un peu plus d'expérience que moi, on va voir. Ouais, il se démerde bien, hein, lui, dessus. Hein. Ah bah ça, ouais. Ce que j'ai vu. Lui, c'est spécialiste du FPS. Hein. Entre les jeux de voiture et les jeux de tir. Hein. Ouais, c'est ça, il aime bien se montrer avec son M contrôleur en main, ça lui plaît ça. Ouais. Souvent il fait, là, ça me fait rire à chaque fois avec, quand je vois sa bougie là, comme ça, là, avec son M contrôleur, je rigole à chaque fois. Quoi, ça, ouais. Il me fait rire. Bon, c'est une parenthèse. C'est un bourrin, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Et bah là justement, on va passer sur un jeu de pas bourrin du tout, avec Anyone's Diary. Avec Anyone's Diary. Diary okay. Justement, ça, j'ai failli le dire et je me suis repris. Donc merci d'avoir repéré le relais pour moi. Qui est développé. Et ça, par... c'était un jeu de mots que vous aviez fait entre vous quand même. Donc, Et il a été adopté visiblement, ça y est, tu l'as baptisé. Quoi. C'est encore un studio espagnol, non? C'est ça. C'est encore c'est un ça. Studio espagnol. Et note que c'est pas Anyone's Viare, tu vois. Non, c'est Diary. Donc voilà, au moins ils ont fait un effort de ce côté-là. Donc ouais, qui a été développé par World Demolition Project, tout un programme. C'est un jeu. J'avais mis ça comment dans le test. C'est un jeu. On peut pas dire que c'est un jeu de plateforme. Ça ressemble de loin à un jeu de plateforme, mais en fait c'est plutôt un jeu d'énigmes où tu vas contrôler ton petit personnage qui s'appelle n'importe qui en fait, si tu dois le traduire, et parcourir son journal intime, métaphoriquement en fait, tu parcours des décors qui sont crayonnés. Au niveau de la direction artistique, moi ça m'a beaucoup plu par contre. Techniquement c'est pas bluffant, c'est pas incroyable. Ah ouais, les animations c'est ridicule, enfin y a rien quoi. Mais au niveau des décors et la direction artistique pure, je trouve ça vraiment vraiment ça sympa. Les musiques sont magnifiques, on va croire que je trouve que tous les jeux que je teste, je trouve les musiques vraiment super, mais les musiques sont vraiment bien aussi dans celui-là. Et donc ouais, c'est un jeu où on va jouer avec les moves avec la manette DualShock 4, et on va déplacer en fait des bouts de décor ou des éléments dans le décor pour pouvoir faire avancer le personnage. Donc ça va être du puzzle, du casse-tête. Il n'y aura pas besoin de beaucoup de dextérité pour déplacer le personnage parce que c'est très permissif. C'est un petit peu un gameplay un petit peu sec à la flashback, pour ceux qui se souviennent. Ah, oui. C'était une grande référence aussi, flashback, là. Sacré jeu aussi. Français, jeu français, monsieur. Ouais. Français, Delphine, je crois. Delphine Software, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bon, bref. Et donc voilà. Le jeu n'est pas très long, le jeu se torche en 1h30 à peu près, il y a 3 tableaux. Il y a 4503 bugs, c'est ça? C'est à peu près ça. Ça, j'allais venir justement sur les points négatifs, c'est pété de bugs. C'est-à-dire que j'ai eu un bug de son qui m'a fait relancer le jeu. Quand j'ai relancé le jeu, j'étais à plus de la moitié, j'étais à la fin du deuxième chapitre. T'as signé, hein? T'avais signé. J'ai perdu toutes mes sauvegardes. Ouais, mais je pensais pas que c'était pour... Enfin, moi, il m'avait l'air sympa, donc bon, je suis parti dans un a priori plutôt positif. Mais bon, le jeu m'a un petit peu fait la misère quand même. Donc toutes les sauvegardes qui sautent. Quand je l'ai relancé là, dernièrement, je me suis rendu compte que toute ma progression avait à nouveau sauté. Alors que j'avais bien fait attention que la sauvegarde était bien faite. Au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, pendant une énigme, en fait, il y a mon personnage qui a grandi de 120% à peu près. Et c'est ce qui faisait que, en fait, il glitchait ensuite, il pouvait plus monter aucun obstacle, il glitchait dans certains passages, bref, injouable. Donc tu relances et t'as perdu ta sauvegarde. Waouh, ouais. C'est pas n'importe qui. Donc, au moins, ça a rallongé ta durée de vie, quoi. C'est un peu n'importe quoi, ce jeu, ouais. Et voilà, c'est dommage, hein, parce que... Mmh. Ouais, c'est un jeu qu'on envie d'aimer, en fait, quelque part. Parce que, comme tu dis, il a une empreinte graphique qui est magnifique. Voilà, et puis le thème est cool, hein. C'est un mec, bon, il arrive pas apparemment que des choses... C'est tout suggéré, hein. Faut vraiment plonger dans l'univers pour bien comprendre tout. Mais le mec, il arrive pas des trucs très cool, en fait, et voilà, donc il y a un propos derrière qui est vraiment intéressant, qui est un peu dépressif, mais qui reste sympa à parcourir. T'as des décors et ouais, une direction artistique qui est vraiment sympa, des musiques cool, mais le problème c'est que c'est injouable en l'état. En l'état, c'est complètement injouable, ça fait vraiment penser à un jeu qui pourrait être fait dans une game jam ou un truc comme ça, qui est pas terminé, qui est pas débuggé et qui fonctionne pas. Est-ce que ce jeu il a un intérêt à être joué en VR? Bah, je pense oui, parce qu'après, tu restes pas statique en fait. Là, c'est pas une caméra qui suit automatiquement ton personnage sur le côté. C'est toi en fait qui déplace la caméra, c'est toi qui vas chercher des éléments. T'as des éléments à aller chercher de temps en temps en profondeur. Ton personnage, tu pourras pas le faire se déplacer en profondeur. Il va suivre un rail qui ira de gauche à droite tout le temps, ou de droite à gauche. Mais de temps en temps, tu dois chercher des éléments justement pour débloquer des succès, des trucs comme ça, pour aller voir dans les décors de temps en temps. Donc, ouais. C'est pas un intérêt incroyable en VR, mais je trouve que c'est comme tous les jeux en 2D, ça apporte toujours une dimension supplémentaire au jeu. Alors, quand tu vois un petit peu plus loin, en fait, au fur et à mesure que ton personnage se déplace, t'as le décor qui va se construire devant, il va se déconstruire derrière, il va se construire devant. Si tu avais le jeu sur un écran de télévision, tu pourrais pas voir cet effet-là, justement. Tu pourrais pas voir le décor qui se construit devant toi quand tu avances. Ouais, dans ton test, tu montres aussi qu'on peut vraiment manipuler la carte comme on veut, hein, il me semble. C'est ça. En fait, tu chopes le vide, en fait, un morceau de ta carte, ou le vide, ou un bâtiment, ou quoi que ce soit, et tu te déplaces comme ça, comme tu le sens. Le problème aussi, c'est qu'au niveau de la maniabilité, quand tu dois déplacer ta caméra et que tu as un bâtiment que tu peux bouger, tu vas te reprendre à plusieurs fois avant de faire l'action que tu veux, vu que c'est le même bouton pour se déplacer la caméra et déplacer les objets. C'est la même chose. Alors quand tu dois être un petit peu précis, ça devient vite vraiment très problématique. Donc voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, un jeu que j'aurais bien voulu aimer, mais malheureusement, il y a tellement de défauts, il manque de finition, gros manque de finition, et c'est vraiment dommage. Donc il est proposé à 12,99€. Ouais, quand même. Enfin, bon, ouais. C'est pas très cher, mais quand même, puisque tu nous en dis. C'est cher pour un truc pas fini et pas très long. Bon, encore la longueur. Tu penses qu'il a été sorti à la hâte, quoi. Je pense que aussi que c'est une petite équipe et que il y a encore quand même beaucoup de boulot sur le debugging qui a pas été fait et qui est à faire maintenant. Voilà, ce que j'ai à dire de Anyone's Diary. Ouais, mais ça va m'introduire sur le prochain thème. Ce que tu dis par rapport à petite équipe ou autre, la scène espagnole, elle est très très active. On a vu avec Sumalab. Là, on vient de voir avec ces World, je sais plus le nom. Domination Project. On va parler là de Intruders, qui est de Tessera Studio, qui est encore un studio espagnol. Mmh. Et il faut savoir que les PlayStation Talents, comme ils disent en Espagne, Sony est très actif sur la scène espagnole. Mmh. Ils mettent en place des concours. Donc, on a affaire à des projets de fin d'études et ils aspirent à être produits par Sony. Et en gagnant, en étant nominé aux PlayStation Talents, ils reçoivent une bourse de Sony qui leur apporte une aide technique mais aussi financière jusqu'à un certain montant. Et c'est à eux après à se débrouiller pour sortir leur jeu. Donc on se retrouve peut-être à la fin des bourses, quoi, tout simplement, et il faut sortir le jeu. Ouais. La fin des... C'est très imagé ce que tu C'est très imagé, là, mais c'est rêvé, quoi. Bon, voilà. Mais je crois plus que c'est le cas des New Ones Diary, hein. C'est un projet de fin d'études, ça. Hein. Ouais, c'est pareil, mais c'est pareil pour Intruders, là. C'est Laurent qui a fait le test. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas découvert. C'est pareil, c'est Tessera Studio, ils sont de Madrid. On a affaire là à un travail, à un projet de fin d'études. Ils ont gagné pas mal de prix, dont le PlayStation Talents. Et ils ont fini par sortir leur jeu. Alors on les suit depuis avril 2017, on était en bon contact avec eux. Vert4Player a participé au financement participatif du jeu. C'est dommage, ils n'ont pas mis Vert4Player, ils ont mis le nom d'un des membres de l'équipe. C'est dommage, ça aurait été sympa de voir Vert4Player sur le générique de fin. Et donc là aussi, c'est ce qui en ressort du jeu. Donc je fais la bascule sur Intruders. Donc jeu espagnol, scène très active, un projet d'étude qui arrive, qui est porté au nu par Sony, on va dire, qui aide enfin un pays où on aide ses développeurs. C'est pas le cas en France. J'aimerais bien que ça se passe un peu On a tendance à prendre exemple sur les nos voisins européens. Ça serait bien de faire pareil parce qu'on se targue d'être les grands champions du jeu vidéo avec Ubisoft, mais au final, on se rend compte qu'en production VR, on est loin quand même. Bon, bref, allez, abstraction faite, je reviens sur Intruders. Et là aussi, donc on a affaire à un thriller psychologique qui vous propose tout simplement de vivre les peurs primales ou primaires d'un enfant de 10 ans. dans leur résidence, une famille part en vacances dans une résidence secondaire, et durant la nuit, trois malfaisants s'introduisent dans la demeure et prennent en otage la famille. Donc je crois qu'il y a les parents et la petite sœur ou la grande sœur. Voilà. Et vous, Ben, du haut de vos 10 ans, vous allez devoir surmonter vos peurs et jouer de stratagème pour arriver à libérer votre famille. Donc on est vraiment dans du thriller psychologique, on joue sur ces peurs là, on touche à la famille, donc c'est toujours un peu ombrageux, c'est toujours sensible, on va dire, et on avance. Donc de très bonnes choses, la durée est de 3 à 4 heures, le jeu est jouable en VR et sur PS4 en écran classique pour 20€, 19,99€, c'est un tarif plus que correct. On revient, juste une petite parenthèse, j'ai l'impression, à ce juste prix de 20€ pour la plupart des productions qui sont sorties dernièrement. Là. Et moi, ça me fait plutôt plaisir qu'il y ait de plus en plus de jeux qui prennent ce prix-là. Ouais. Justement, comme on parlait de Robinson. Je vais te faire sourire. Tu veux que je te parle d'Ace Combat 7 encore ou quoi? Non. Non, on va pas revenir sur ce douloureux passage. Non, mais je veux dire, tous les jeux, enfin tous les développeurs indés, justement, se sont, je pense, rendu compte que proposer un jeu qui dure 5-6 heures et pas le faire payer 40 ou 50 balles, comme c'était le cas très régulièrement à la sortie du PSVR, c'était pas forcément la bonne solution. Et revenir à ce prix-là de 20€, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, attention, parce que quand même, c'est pas que le studio qui fixe le prix. Hein. Il y a les royalties, il y a beaucoup de choses. Que ce soit les studios ou que ce soit Sony, en tout cas, ça reste quand même on peut dire que une bonne chose. Sur 20€, il y a bien 5-6€ qui vont à Sony direct. Hein. Ouais. Donc, pour un format de 3-4 heures, 20€, je trouve ça bien, quoi. 6-7 heures, 30€, c'est vrai que ça colle bien avec nos bourses. Pour en revenir au. Encore cette histoire de bourse, hein, mais c'est fou ça, Cyril. Voilà, bon, allez, je continue sur Intruders. Donc, voilà, donc on a un jeu qui a du potentiel, qui est vraiment plaisant, avec des qualités graphiques, mais là encore une fois, il en ressort du test de Laurent, mais voilà, comme tu as dit pour Anyone's Diary, la finalité, plus on approche de la fin, plus on sent que c'est bâclé, mais parce qu'on arrive tout simplement pas au money time, mais à la fin des bourses, tout simplement, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de capitaux, et il faut le sortir au plus vite pour pas être perdant, tout simplement. Donc c'est peut-être un peu dommage de ce côté-ci, mais là encore, encore une fois, on a affaire à un bon jeu, espagnol, j'insiste, parce qu'ils ont sorti un paquet de jeux, et nous, Français, on a la traîne, quoi, donc voilà. Et le test de Laurent est sympa, la vidéo est sympa, et ce que j'ai bien aimé, c'est que... Il commence, il est un petit peu détaché, il rigole de tout. Hein. Je parle de Laurent pendant la vidéo. Voilà, il est là, ça va, ils ont de l'argent. C'est rare parce qu'il sourit pas trop. il est là à dire il rigole avec tout. Et quand arrivent les malfaiteurs, et ben tout d'un coup il a ah ouais ça fout les jetons quand même. Parce que c'est vrai que finalement t'as aucune possibilité de, enfin tu peux pas se choper le un couteau et les tuer, quoi, hein, donc ouais, t'es trop petit, donc faut user d'autres stratagèmes, quoi. Non mais c'est ils se sont inspirés d'Hitchcock pour faire leur jeu, donc c'est une bonne voie, une bonne idée d'ailleurs, je trouve. Et tu penses justement que, enfin, t'as peut-être des infos là-dessus, est-ce que tu penses que ces studios ou ces étudiants là qui font ces projets quand même pas parfait, mais quand même plutôt abouti vu les moyens qu'ils ont, tu penses que ça va leur permettre de rentrer plus facilement dans le marché du développement dans le jeu vidéo? Ils sont accompagnés ensuite par Sony, autre que financièrement? Alors, durant une année, donc ils reçoivent des capitaux et ils sont aidés, je pense, par c'est sûr, par la base Sony, hein, mais comme n'importe quel développeur, on va dire, mais ils sont toujours dans leur cursus de scolaire, on va dire, hein. C'est vraiment en fin de cursus. Donc c'est un projet d'étude, mais qui est pour une fois commercialisé. Il y a vraiment le point final, c'est que le jeu sorte et soit commercialisé, c'est la cerise sur le gâteau pour eux. Donc il y a un réel investissement, et c'est, voilà, j'en reviens encore à la scène espagnole, elle est très vivace, et on le voit sur les réseaux sociaux, ils s'éclatent, ils ont plein de rassemblements, c'est toujours des bonnes équipes. Alors là, par contre, à contrario, c'est pas des petites équipes de 2-3, c'est une classe, on va dire, c'est un projet d'étude, et on sent vraiment qu'il y a de l'amitié, c'est frais, comme j'aime bien dire. Ouais. C'est plaisant à voir, à aller voir. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Donc oui. Je veux pas dire qu'ils continueront à produire sur pour Sony ou autre, mais je pense que là ils ont mis en application leur connaissance technique avec l'industrialisation, on va dire. Ouais. Ouais. Mmh. Moi j'étais étonné, oui, parce que je pensais que c'était une exclusivité PlayStation, mais en fait non, le jeu sortira sur PC, il me semble. Hein. Oui, aussi, ouais, ils vont le sortir sur PC, ouais. Voilà, ils ont été financés en partie grâce à leur concours qu'ils ont remporté, organisé par Sony, les PlayStation Talents. Et voilà, ils ont mis à profit les capitaux qu'ils ont fait, quoi. Voilà. Alors au début, c'est, on va dire, oui, c'est une exclusivité Sony, mais qui n'est que temporaire, quoi. Ouais. Mmh. C'est vrai que le PSVR au niveau de la VR, grâce à ces, évidemment à tous ces tous ces projets-là, et même grâce à Sony, en fait, ça reste un laboratoire de talents et de nouvelles idées aussi dans la VR que des gros développeurs n'auraient peut-être pas forcément. C'est plutôt une bonne chose, ça aussi, je pense. Ouais, mais alors là aussi, tu vois, on en revient toujours pareil, c'est Sony, mais est-ce que c'est Sony dans sa globalité ou c'est là, en l'occurrence, Sony Espagne qui est très, très actif ? Parce que si on fait un peu le tour d'horizon, on se rend compte que les Allemands produisent, les Italiens produisent, les Espagnols produisent, les Anglais aussi, les Polonais, les Ukrainiens, et... Les Tchèques aussi, ouais. Oui. Oui, d'ailleurs, ils ont cartonné. Et cite-moi un studio français. Bah, Ubisoft, c'est tellement énorme. Ah, mais hormis Ubisoft, quoi, ça court pas les rues, quoi. Innerspace ? Ouais, Innerspace. Ouais, oui, non, bah, super, super. Ouais, belle réussite aussi, ouais, c'est vrai. Et après, on les cherche, quoi, c'est ça le problème. Red Matter, c'est espagnol aussi, non ? C'est espagnol aussi, Red Matter. Ouais. Ouais, voilà, non, mais ils sont super actifs, quoi. Voilà. Et là encore, on en revient un peu au débat qu'on a eu tout à l'heure sur la langue, pourquoi les jeux ne sont pas en français. Là, en l'occurrence, Intruder, s'il est traduit, enfin, il est en espagnol et en anglais. Il est traduit en français, mais là encore, une fois, le marché, c'est le marché international et c'est la langue anglaise, c'est pas la langue française, quoi. On le voit bien, les Espagnols, ce sont nos voisins directs. Madrid, c'est pas très loin de la frontière française. Ils auraient pu faire, on va dire, l'effort de le faire en français, ben non, on a une vision internationale et l'international, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Bon, moi, je vais exprimer ma voix, moi, ça me gêne pas, et en général, ma console, pour dire, elle est mise en anglais, hein. Mais toi, tu parles 25 langues aussi, donc c'est facile pour toi. Non, mais... Je ne sais pas si c'est le syndrome version originale. Pour un jeu, ce n'est pas le cas, finalement. Mais... je ne sais pas, je vais peut-être même avoir tendance à être résidente en japonais, tu vois. Mais bon, là, puisque ça se passait aux États-Unis, je l'ai mis en anglais. C'est un peu ça aussi, mon guide. Assassin's Creed 2, je l'ai joué en italien. Ah ah. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Hein, bon, là, c'était sous-titré parce que je parle pas l'italien. Mais. Moi, si, quand t'es bleu, ouais. Mais voilà, moi, je fais partie d'une tranche de joueurs. L'anglais, ça passe, quoi, au contraire. Et en général, le doublage est bon. Et comme tu l'avais déjà dit une fois dans une émission, ça y est, mais rappelez-vous, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on avait que des jeux en anglais. C'est ça. Il y a ça, et puis même, c'est souvent aussi que tu mets un Onimusha, ça se joue en japonais, quoi. Ça se joue pas en Yakuza, ça se joue en langue japonaise, ça se joue pas en ouais, anglais, quoi. Exactement. Mmh. Ouais. Enfin bon, après, mais moi, on en revient toujours au même truc, au moins laisser le choix aux joueurs, ça sera toujours plus apprécié. Fallait écouter au collège pour apprendre l'anglais, et puis voilà, c'est pas si compliqué. Tu vas bien, ouais. Écouter les Beatles et voilà. Vous faites les 10 saisons de Friends et au bout de en VO, sous-titré si vous voulez, après vous parlez anglais. Hein. Ouais, c'est ça, il est peut-être plus récent que Friends, mais je vois le délire. Je vois le délire. Ok, très bien. Et bon, Intruders en tout cas. Ouais, on allait passer à côté et non, oui, il est sorti le 13 février. C'est un jeu petit jeu de trouille. Il fallait qu'on parle. Oui. Tout à fait, qui fait complètement partie de l'actualité. Aussi, on a eu des nouvelles, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque émission, on a eu des nouvelles de Dreams, le fameux Dreams. Et c'était quoi ces nouvelles ? Oui, alors écoute, je me permets, hein, Sillon. Ouais, vas-y. Moi, est-ce que tu veux y aller ? Vas-y. On a appris par le PlayStation Blog que enfin il y avait une fenêtre de sortie pour Dreams, comme tu l'as écrit dans ta brève. À savoir le printemps de cette année, oui, quand même, cette année, que ce serait vendu, alors ça c'est quand même des choses un petit peu étonnantes, à un prix de 30€, 30$, 30€, hein, pour Dreams, un vrai grand jeu. On s'attendait plus à du 60, 70, 60 quand même. Bon, première interrogation. Mais en fait, c'est le prix aussi de l'Early Access. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi de l'Early Access sur console Sony pour un jeu comme Dreams de Media Molecule? A priori, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y aurait que une grosse partie création. Et pas de, et pas de jeu préenregistré, plus abouti. Voilà, on n'en sait vraiment pas plus. Hein. Ou toi, t'en sais plus, Cyril ? Non, bah écoute, juste que les développeurs veulent remercier suite à la bêta publique, enfin remercier, c'est moi qui le dis pour le coup, mais suite au grand succès de la bêta publique, ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de création et ingénieuse pour le coup, donc en gros ce serait un remerciement pour garder un peu le lien, le contact avec leur communauté, et continuer pendant ce temps-là à produire leur, le jeu, parce que ça fait déjà plus de 2 ans qu'ils sont dessus à y travailler. Plus de 2 ans. Visiblement, il y a encore 2 ans. Ça fait, ouais, beaucoup, ça ans, fait ouais. beaucoup plus longtemps, non? Pour moi, ouais, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 7 ans qu'ils sont dessus, que ça a été annoncé. Ah ouais, 7 ans déjà. Voilà, écoute, je t'ai pas non, dit encore. Pas, donc, peut-être pas 7 ans. Hein. Mais... pas 7 ans. Mais j'ai l'impression que moi, qu'ils veulent se faire du contenu à peu de frais, en fait. Je suis peut-être mauvaise langue, hein, mais... Après, alors oui, t'as peut-être raison, Say, mais un jeu, plus on l'attend, plus on en a envie. Là, ils nous ont déjà mis l'eau à la bouche avec la démo. Alors, pour le coup, qui n'était pas du tout PSVR, hein, qui était juste écran classique. Mais quand on attend, plus c'est long, plus c'est bon. Mais quand on attend de trop aussi, on tourne la page, on passe à autre chose. Et là, c'est... Tu passes à autre chose, ouais. Pendant longtemps, on s'est demandé si le jeu allait finalement sortir, quoi. Donc là, je pense que c'est quand même un moyen de... C'est commercial, c'est de la com, et de dire « Coucou les gars, on est toujours là, merci pour le soutien que vous nous faites. » Et puis pendant ce temps-là, nous, on travaille, on prend un peu de pépette en même temps, tu vois. Alors, deux informations complémentaires, merci Google. Dreams a été annoncé pour la toute première fois, ou en tout cas même montré pour la toute première fois au PlayStation Meeting de 2013. D'accord. Donc, ouais, tu vois. Mais ils ont changé de moteur entre-temps, ce qui peut expliquer un grand retard. Et l'autre info, c'est que, comme tu l'as sous-entendu, il n'y aurait pas de version VR, en tout cas PlayStation VR, dans cette Early Access. Alors qu'ils avaient promis, Day One, vous aurez, ça sera jouable en VR. Alors ils ont trouvé la part... Oui, quand le jeu sortira. Voilà, ils ont... Pas quand le jeu sortira, on c'est y arrive. Ils essaient de la petite pirouette. Ouais, si ça se trouve, ils vont commencer à se mettre à travailler sur la version VR. Hein. Bah, j'espère qu'ils sont déjà dessus. Hein. Putain, j'espère qu'ils sont moi aussi. Hein. Ouais, comme ouais, à, ouais. à être inquiet sinon. Hein. Ouais, ouais. Alors après, est-ce que vous êtes pour ce type de procédé? Perso, ça me fait vraiment penser à Gran Turismo, le 5, hein, c'est ça, qui avait sorti le mode prologue. Pendant plus d'un an, on a attendu la sortie du jeu réel. Voilà, bon, ça, tout le monde s'était jeté dessus au début, et puis après, ça avait fait quand même grand bruit. Donc, est-ce que c'est le même procédé? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je comprends pas. Je pense que Prologue, c'était vraiment une démo payante. Ouais. Et finalement, quand tu regardes, quand tu te replonges un petit, enfin, quand je me replonge un petit peu dans mes souvenirs, j'ai l'impression même que le moteur avait été grandement amélioré sur Gran Turismo 5. Et en gros, il devait proposer quelque chose à la sortie de la console de la PS3, ils devaient proposer un Gran Turismo. Comme ils étaient vraiment pas prêts à sortir le Gran Turismo 5, ils ont sorti un petit truc, tu vois. C'est un petit, moi ça me fait un peu plus penser justement à GT Sport qui est sorti dernièrement. Ils peuvent pas sortir ils pouvaient pas sortir un épisode canonique. Mmh. Et donc du coup, pour respecter un certain calendrier, ils devaient sortir quand même une démo quitte à la faire payante. Et chose qu'ils ont refait justement avec GT Sport. Je pense que là l'idée pour Dreams, c'est pas tout à fait la même chose en fait. J'ai l'impression que ils ont commencé à développer un jeu et que leur création a commencé à leur échapper. Ouais. Tellement les possibilités étaient énormes. Ils se sont rendus compte d'autant plus que les créations, justement, comme tu le disais tout à l'heure, des gens qui participaient à la bêta étaient vraiment. Enfin, je suis sûr que les gens ont fait des trucs auxquels les développeurs n'avaient pas pensé. Donc. T'es obligé quand même de proposer quelque chose aux gens pour voilà, leur donner un os justement pour qu'ils puissent s'amuser, d'où cette idée d'Early Access qui porte très très bien son nom. IO6, eux, ça leur permet, et j'insiste dessus, à se faire du contenu et à peut-être trouver des idées, justement, parce que t'inquiète qu'ils vont être tous les jours, toutes les heures à regarder ce qui est en train de sortir sur leur early access et de l'implémenter, ça, ensuite, dans le jeu final. Ouais, et mais s'ils font ça tout le temps, le jeu ne sortira jamais, hein. Et ben ça c'est le problème d'Early Access hein. Ouais. Et puis je peux te dire que sur PC c'est un syndrome qui fait chier beaucoup de monde hein. donc ouais ça c'est à double tranchant quoi pour eux en espérant qu'ils le sortent pas uniquement la version finale sur une hypothétique PS5 ouais. Avec une version PSVR sur le PSVR 2 exclusivement et que, et que finalement là à ce moment-là, s'ils font vraiment ça, on pourra se dire qu'on se l'est vraiment prise. Après, il ne faut pas oublier que Media Molecule, il joue gros avec ce jeu. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. C'est incroyable, hein, je te dis. Ils n'ont rien sorti hein, entre-temps. Ouais. TerraWay, mais... Enfin, moi, je ne comprends pas le... je comprends pas qu'on sorte une Early Access sur un jeu comme Dreams. C'est un des jeux... même si en termes de vente, il ne sera peut-être pas au niveau des expectations, qui est très attendu quand même. Enfin, Media Molecule, depuis Little Big Black Planet, on les attend toujours. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et je ne comprends pas cette logique. Et... je sais pas. Au printemps. Donc... faire entrer du pognon. Ouais. Et le pire, c'est que je vais les prendre. Oui, moi aussi. Rigolant, Cyril, tu disais. Mais en fait, c'est peut-être la version PlayStation VR qui retarde la sortie du jeu. Hein. Peut-être, non, mais tout est possible. Hein. Tout est possible. Et ça a bien été le cas encore une fois pour Ace Combat 7. Oh, arrête avec ce jeu, c'est impossible. Jeu super demeurant en VR. Ouais, bah oui, impossible. Oui, on sait. Ouais, on sait. Ouais. Nananana. Ouais. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Mais en promo. Ok, très bien. Et eh ben, on a fait. Bah non, on n'a pas parlé de Chromagun. Chromagun qui est sorti aussi, hein. Et Spanks. Ah, tu voulais parler de Chromagun. C'est vrai, c'est vrai. On a parlé. Spanx, on a parlé de tous les jeux qui sont sortis, sauf Chromagun. Parce que toi, tu l'aimes pas et tu vas dire des saloperies dessus. Alors. Ouais, fais gaffe parce que Spanks. Je pense qu'il est à l'écoute là et ça va pas lui plaire. Bah après, c'est un genre. C'est pas un jeu de tir alors que vous tenez un fusil. Ça se joue à l'aim d'ailleurs. L'aim controller, comme dit Wild, et c'est en fait un jeu de puzzle. Et c'est un jeu qui est sorti depuis 2015 sur PS4 et Pixelmaniac, je crois, un studio allemand de Nuremberg a pris le temps pour sortir le patch un an et demi. On avait écrit un article pour justement inviter parce qu'il y avait des rumeurs qu'ils allaient faire un patch VR. Donc on avait lancé un article, voilà. Chromagun a besoin de vous et en fait c'était pour les encourager, leur écrire, etc. C'est concrétisé, sauf que l'offre patch, si vous avez déjà le jeu, s'est transformé en jeu à part. Chromagun VR, vendu 20€, 16€ en promo PS Plus au lancement. Moi j'aime pas du tout ce genre là. Ok, tu peux tenir en plus l'aim pour un peu plus d'immersion, mais finalement ça n'apporte pas grand chose puisque c'est très lent, très statique, c'est pas un jeu d'action. Mais voilà, tu as trois couleurs, je crois, que tu peux combiner pour obtenir encore d'autres couleurs et tu dois faire bouger des espèces de drones pour qu'ils t'ouvrent des portes. T'as l'impression d'être dans un ascenseur, tout est blanc forcément pour pas que ça t'interfère avec tes couleurs. Ouais, t'es dans un laboratoire, je crois, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Bon. Spanx, contre toute attente, a aimé, donc tant mieux. Ouais, mais du moment qu'il a un flingue, c'est bon. Donc. Ça veut dire quoi, c'est ça, c'est ça. Spanx sait réfléchir, hein, c'est une bonne chose. Non, je rigole. T'es ce mort. N'est pas qu'une brutalité. Voilà. Il va être content, je pense. Mais il avait qu'à venir, je suis très déçu qu'il soit pas là, il me manque aussi. Et voilà, donc Chromagun, finalement, ça peut effectivement valoir le coup. Mais voilà, la concurrence est rude ces deux semaines avec Xing, je vais y arriver. Ouais, Xing. The Land Beyond. Yes. Ouais. Ah oui, là on est autant on est sur un jeu puzzle game comme Xing, mais je pense que c'est à des années-lumière de Xing. Mm. Ouais. C'est un style différent. Voilà. Bon. En tout cas, ça fait un jeu à l'aim en plus. Voilà, au moins. Voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et c'est pas pour les bourrins. Ok, Chromagun VR. Ah, c'est un peu embêtant par contre que le patch, ce qui devait être un patch au départ PSVR se transforme en stand-alone. Bah oui, mais ils pensaient à mon avis faire la pirouette VR en 3-6 mois et ça a duré plus d'un an. Donc il fallait oublier aussi qu'ils reviennent sur leur investissement de développement. Hein. Ça se comprend aussi. Si je dis pas de bêtises, je crois que Dirt Rally, c'est un des seuls jeux qui nécessite un patch pour être mis en VR, un patch payant, certes. Non, t'as comment il s'appelle aussi Arca, c'est... Non, pas Arca, attends, je vais retrouver. C'était un jeu français aussi, enfin Kona. Kona, voilà, exactement. Kona. Ouais, avec 5 euros, tu accédais à la version VR. C'est vrai. Ouais. C'est pas mal ça comme système, je trouve. T'as le jeu plat, et si tu veux, parce que t'avais aussi Super Hot. Enfin, lui, je sais que le level design avait été complètement repensé pour la VR, mais je pense que ça aurait été plus sympa pour les gens justement qui l'avaient acheté avant de proposer un patch payant plutôt que de refaire banquer derrière les joueurs. Après, c'est peut-être le procédé allemand. Hein. Quand Sillon va faire la traduction d'Eden Tomorrow et qu'ils vont ressortir le jeu, ça sera toujours 20 euros. Ils vont ressortir le jeu à 40 euros parce que voilà, pour la traduction. Ah, excusez-moi, ça a coupé, j'ai rien entendu de ce que vous avez dit. Mais c'est pas grave, on parlait de toi. D'accord, bon bah voilà. Ok, très bien, donc Chromagun. Oui. C'est bon, on peut passer à la suite ou vous avez encore des jeux dans votre besace. On a fait le tour de ce qui est sorti depuis Fisherman. Il y en avait pas mal. Hein. C'est vrai que ça faisait un petit moment en même temps qu'on n'avait pas fait de podcast. Donc, il y avait pas mal de choses. Ok, très bien. On sent que c'est très sinusoïdal les sorties. D'un coup, il va y avoir 4-5 jeux qui vont sortir la même semaine et puis après plus rien. Et puis boum, c'est reparti. Comme l'année dernière, début janvier, c'était très très calme. Oui, le premier trimestre, c'est toujours un peu très chaotique. Mais là, on arrive. À la différence de l'année dernière où on avait commencé, je crois, par le gros titre qu'on avait fait ensemble, Simon. Mince, j'ai bouffé. Bravo Team. Qui avait quand même été. La douche froide, c'était un peu osé pour moi, mais. Ça avait donné le tempo de ce trimestre 2018, et là on revient un peu à la même chose, même s'il y a d'excellents jeux qui sont sortis, mais bon, c'est très, très poussif et très sinusoïdal. Ouais. Il reste quelques jeux qui pourraient être intéressants à venir, mais on n'a toujours pas de date, hein. Blood and Truth, je sais pas, le jeu de zombies Contagion, qui est retardé parce que j'ai vu que le programmeur principal a quitté le studio. Donc, c'est jamais bon. Ça, c'est... Sans la patate, Non. C'est, surtout qu'il y avait eu un jeu comme ça qui devait sortir sur PSVR. Alors, j'ai bouffé le nom, je suis désolé. Pareil, le programmeur principal s'est barré. Le studio a failli capoter, donc il devait y avoir des soucis d'argent, de finances. Et au final, le jeu a été totalement repensé, parce que le suivant, le remplaçant, quand il est arrivé, ça lui plaisait pas ce qui avait été fait. Donc du coup, le jeu est pas sorti sur PlayStation VR. Mais c'est pas bon. C'est dommage. Ouais, ça a marché. Enfin, ça veut pas dire qu'il sortira pas. Marché encore fragile, parfois. Hein. Oui. Quand même. Là, on s'en rend compte. Justement. Ouais. Ok. Et on va passer au jeu en plat. Cyril, tu joues quoi en plat? Je vous fais rire. Donc actuellement, AC7. AC7. Voilà, oui. Encore bon, lui. Après avoir fait la version VR, je me suis lancé. Je suis quasiment à la fin de la version écran plat. Alors ça reste un triple A, ça reste une belle ambiance, graphiquement c'est très propre, il n'y a aucun souci, mais c'est fadasse pour moi, après avoir goûté à la version VR. Ouais, vraiment, vraiment. Alors après j'aime le style, donc le genre, donc il n'y a aucun souci, je vais aller jusqu'au bout, mais là je me sens orphelin un peu quand même. Ouais, c'est comme jouer à GT Sport sur écran plat, ça fait drôle, hein. Ouais, de revenir. Autant j'avais commencé le jeu justement par l'écran plat pour pas avoir cette perdition d'intérêt, on va dire. Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Et il y a des missions qui sont plus plaisantes, plus sympas que d'autres. Après, c'est toujours un peu redondant, un peu c'est propre au jeu, propre au style. Mais c'est fadasse quoi, hein. Quand on a été habitué à tourner la tête dans tous les sens et à se prendre vraiment pour un pilote de chasse, là ok, je suis face à mon écran, ça me fait bizarre. Ouais. Voilà. Mais bon jeu quand même, hein. Pas de soucis. Un peu cher, trop cher même. Ah ouais, dès qu'il est en promo, moi je le prendrais juste pour la VR. Ouais. Moi aussi, c'est clair. Ah oui, vaut, par contre, la version VR, elle vaut vraiment le coup. Donc, ouais, honnêtement. Honnêtement. Une belle, okay. Une belle aventure. Escom Basset refait encore parler de lui une nouvelle fois. Et alors, c'est pas fini, parce que j'ai quand même poussé le vice à aller gratter un peu l'information, et j'ai demandé, déjà, quand est-ce qu'il allait avoir un pack pour la version, pour le jeu, quoi, à savoir la version classique, on va dire. Mais également, vu comment est foutue la version VR, il y a très peu de différence entre la version... Je parle pour tout ce qui est environnemental. Hein. Il y a très peu de différence entre la version classique et la version VR. C'est quand même un truc de dingue, quoi. L'océan, tout ça, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Mmh. Et là, pour moi, alors je suis très simpliste, je ne maîtrise pas le milieu ou quoi que ce soit, mais pour moi, ils ont la base, ils peuvent refaire des missions, quoi. Je vois perso, alors j'ai pas les tenants les aboutissants, j'ai pas la technicité qu'il faut, peut-être que c'est infaisable, mais pour moi ils ont tout clé en main pour nous pondre encore des missions. Alors j'ai posé la question quand même, et on m'a répondu, je ne peux pas répondre à ces questions, soit parce que c'est bien mis hein, dans le message, soit parce que c'est secret professionnel, soit parce que j'ai pas l'information. Alors stand-by. Une exclue voilà. D'un an hein, sur PSVR, ça sortira sur PC aussi l'année prochaine. Ouais. Donc, comme c'est peut-être la porte ouverte à une ou deux missions en plus. Une NX édition sur PC. En plus, on n'a pas besoin, honnêtement, on n'a pas besoin de tout le blabla, comme on en a parlé en début d'émission, de tout le blabla de la version classique, de ses cinématiques, tout ça. Hein. Moi, enfiler les missions avec juste un point A et un point B, allez, tu fais telle mission, il se passe ça, tu dois faire ça, bah, ça me va parfaitement. Hein. J'ai pas besoin de regarder un roman quoi, ou un film. Hein, tu le mets en mode cinématique, comme ça a été fait sur sur Hellblade ou sur Resident Evil. Voilà, c'est pas non plus une contrainte de ouf, hein, à mon avis. Hein. Non, c'est sûr. Et puis après, des cinématiques, il y en a dans les jeux VR hein, maintenant. Y a pas de... Et le premier Farpoint, c'était très bien les cinématiques. Ça vous a pas pollué l'expérience du jeu quand même. Ben non. Non, voilà. Non, c'était bien fait. Non, c'est pour ça. C'est là, pour moi, ils ont une mine d'or entre les mains, quoi. Et il faut qu'ils l'exploitent. Hein. Là, s'ils le font pas, je comprends pas. Ouais, mais en VR, l'or, il est plaqué. Hein. Oui. En espérant que ça prenne de l'envergure. Et, ouais. Mais bon, là, pour moi, ils ont tout clé en main. Enfin, je vois ça comme un Lego. Ils ont déjà les trois décors principaux, à savoir l'océan. À savoir l'intérieur des terres avec des forêts et la montagne. Rien n'empêche de faire des missions supplémentaires. Hein. Enfin, rien n'empêche, si, l'envie sans doute, les finances, il y a peut-être les des choses. Ouais. Mais ils peuvent pondre des missions, quoi. C'est vraiment. Je pense qu'il a bien marché en plus, Escom Basset, hein, vu qu'il a été en rupture dans pas mal d'endroits assez rapidement, quand même. Hein. Il était attendu, hein. Il était vraiment attendu. Oui, il était attendu. Alors, ça serait bien qu'ils fassent comme ils avaient fait, et ça, c'est toi, Sillon, qui avait fait l'article sur Resident Evil 7, par rapport au nombre de ventes le nombre de ventes total du jeu et le pourcentage de joueurs VR enregistrés sur les serveurs. Bandai Namco n'est pas Capcom, hein, donc... Oui, non, mais ça serait intéressant qu'il fasse la même chose, quoi, parce que qu'on voit à peu près s'il a un réel engouement ce jeu en VR, et je crois que c'est sûr même. À moins que toujours pareil, alors certains en sont touchés et d'autres non, la peur du motion sickness ou autre, mais c'est dommage de passer à côté d'une telle expérience, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a cette autre chose à rajouter dessus, ouais. Cyril? Oh, j'en parle plus, c'est promis. En plat. Oh, tu dis ça, je suis sûr que la prochaine, tu vas encore trouver un prétexte. Bah écoute, j'espère que la prochaine fois qu'on en parlera, ce sera pour parler des nouvelles missions et ça serait super, quoi, voilà. Allez, on y croit. Sillon, à ton tour. Oui, à quoi tu joues en plat ? Alors, moi je voulais télécharger Apex Construct et je me suis trompé, j'ai téléchargé Apex Legends. Ah mince. Oh, tu t'y fais avoir, t'es trop bête. J'ai fait le contraire de je sais pas combien de milliers de joueurs en fait. C'est l'info what the fuck en fait, bon qui méritait pas un article, mais Apex Construct, donc le jeu VR là où tu diriges le dernier humain dans un monde apocalyptique avec un arc effectivement qui a été aussi mis à jour avec toute un à côté plus compétitif où tu fais que de l'arc, hein, parce qu'en fait c'est un jeu de puzzles, d'énigmes, assez narratif et d'action, puisque tu tires sur des robots. Et qui est bon ? Qui est bon, qui a été patché, tu te déplaces plus vite, tu peux tourner de façon fluide, toutes les énigmes sur les claviers qui étaient très très énervants au Move ont été également refaits. Donc je pense que c'est un jeu tout à fait, on parlait des jeux VR qui ont des deuxièmes vies. Alors lui, il faudrait vraiment que je m'y remette, hein, parce que bon, je l'ai depuis l'année dernière, hein, je rigole. Et donc pour en revenir à ma petite blague, Apex Legends, non, j'ai pas touché à ça, je touche pas à ces trucs-là, moi. Ce n'est pas pour moi. Non, mais c'est voilà, c'est pas. Mais voilà, c'est quand même la petite révolution de la semaine, en tout cas, hein, ça, c'est un énorme succès, donc. Ouais, mais c'est ça quand on lit pas en fait. On lit le premier mot et qu'on va pas jusqu'à la fin de la phrase, c'est un peu. Ce qui est un peu trash pour le studio, c'est que et pour le jeu, c'est que vu qu'il y a plein de gens, donc effectivement, qui se sont plantés et qui ont pris Apex Construct en pensant que c'était Apex Legends, donc qui, on le rappelle, est gratuit. Hein, donc les mecs, ils ont quand même foutu 29 boules pour s'acheter un jeu gratos. Se sont rendus compte qu'ils se sont plantés. Plutôt que je sais pas, se faire rembourser et puis bien fermer leur gueule, bah non, ils ont préféré mettre des notes négatives au jeu sur Steam et il s'est pris. Il se prend des mauvaises notes à cause de ça. Donc moi, je trouve ça surréaliste comme réaction. Et ça tombe pile à leur première année. Ça fait un an tout pile que Apex Construct est sorti. Oh, ils sont contents, le studio, ça leur fait de la pub. 4000% de ventes en plus, ça va. Non, sur un malentendu, il y aura peut-être quelques ventes qui seront maintenues. En tout cas, c'est tout ce que j'espère pour eux, parce que c'est pas volé. Non, c'est pas volé, mais écoute, faut lire, hein, du début à la fin, c'est tout. Bah ouais, mais... quelque part, hein, c'est pas induire en erreur quelqu'un. Apex Construct, c'est Legends, ça se termine pas quand même, pareil quand même. Mais Spanx, lui est arrivé la même chose, hein. Il a téléchargé un porno, ça s'appelle Asex Legends. Ouais. Mais lui, s'est pas fait rembourser, lui, il a gardé en fait. Il était hyper content. Il était super content, lui. Ben, il a découvert autre chose, quoi. Donc, il a posé l'aim et il a pris autre chose. Et il est super content. Mais je crois que ce soir, il voulait pas participer à l'émission. Il avait un film à regarder. C'est peut-être celui-là encore. Tu vois. C'est ça. Il est sur une preview de Asex Legend. Et toi, ça y est, tu joues. T'as le temps de jouer entre Eden Tomorrow et Anyone Diarrhée. Ouais, Diarrhée, ouais. Bah ouais, je suis en vacances. Donc écoute, je profite un petit peu. J'ai pris Resident Evil 2 alors que j'ai dit quand j'ai présenté la démo que ouais franchement si tu veux jouer à Resident 2 autant prendre l'original quoi. Ouais bah voilà, je suis con en fait, hein. Et donc je me le suis acheté Day One et je suis retombé dedans. Le tout premier Resident, en fait, j'accrochais tellement, je suis tellement fan de cette série, en tout cas les trois premiers et le Code Veronica. Après le 4, j'ai un petit peu, ça m'a un peu moins plu vraiment, mais j'étais tellement à fond en fait dans les premiers que je les ai le premier tous, était génial quand même. Je les ai tous speedrunnés, mais tous, c'est-à-dire à connaître le moindre pattern, le moindre passage, c'était du par cœur. Je passais, je l'ai terminé en 1h30, en moins d'une heure et demie. Le premier, je crois que je le terminais en 1h10 ou 1h15, un truc comme ça, même pas. À l'époque, et en fait je suis retombé un petit peu dans le même travers avec ce Resident 2. Je l'ai déjà terminé avec Claire une fois, avec Léon sur le scénario 2. Là j'ai terminé les DLC, voilà, qui étaient gratos, les trois missions supplémentaires et plus une petite surprise, et puis même le truc avec Hunk, et puis là je me refais le jeu en mode hardcore. Les énigmes, en fait, changent pas des masses, en fait, ça reste toujours dans la même logique, dans le même ordre, tu fais tes actions. C'est un peu ce que je leur reproche, mais en même temps, je sais pas, je me sens comme dans des pantoufles, en fait, dans ce jeu-là. Il est joli, il est sympa, tu retrouves l'ambiance de l'époque, avec des petits changements bienvenus. Il y a des grosses incohérences entre les scénarios A et B, par contre, ça c'est vraiment le gros reproche, et vraiment ça te saute à la gueule quand ils jouent. C'est même, j'ai l'impression, alors c'est peut-être mes souvenirs qui me jouent défaut, mais j'ai l'impression que c'est moins bien fait que dans l'original. Ils sont pas trop cassés la tête, je crois, pour tout ce qui est côté scénario. Par contre, c'est vrai que la réalisation est magnifique. Elle est vraiment belle. Hein. Mais bon, des égouts, des usines et des... Ouais, comme l'original, quoi. Et Mais ça m'a quand même gêné de rejouer à peu près les mêmes scènes sur le scénario A et B qui sont normalement censées se dérouler en parallèle. Vraiment, c'est une incohérence qui te sort complètement du truc et j'avais pas ressenti ça en fait dans l'original. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais. Mais c'est un genre. C'est un genre qui revit, c'est celui du vrai survival horror. Et ça, c'est-à-dire, ça il y a toute plaisir. Une gestion de l'inventaire, hein, de place et de choix et de. Très limité. Hein, c'est assez stratégique quelque part de ce côté-là. L'inventaire, c'est très important dans Resident. Et les patterns aussi, analyser les animations des ennemis pour savoir quand ils peuvent te choper, quand tu peux passer, tout ça. Ah, surtout que tu les esquives pas quand, dans l'original, hein. C'est beaucoup plus, il est beaucoup plus dur que l'original, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Alors, peut-être que je suis plus mauvais, mais les zombies, tu leur mets 3-4 bastos en mode normal. Hein. Tu leur mets 3-4 bastos dans la tête, ils vont tomber et puis ils vont se relever 10 secondes après. Tu leur en mets 2 dans le buffet, ils retombent, mais ils peuvent se relever encore. Ouais, mais c'est des zombies modernes aussi, c'est normal. Ah oui, se sont adaptés eux aussi. Bah ouais, bah en 20 ans, ouais, ils ont eu le temps. Et voilà, et puis ouais, pour les esquiver aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, on n'empêche pas que, une fois que tu commences à prendre l'habitude, j'ai envie de le speedrunner encore celui-là. J'ai envie de le faire à fond, tout le terminer. Et malgré tous ses défauts, ça reste quand même un bon résultat. Le gameplay pourrait refroidir les nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué au premier, mais c'est vraiment un hommage pour le coup à l'original, parce que ça reste assez sec, comme tu dirais. Hein, c'est assez sec, mais c'est pas. Non, ça a été quand même bien modernisé. Hein. C'est pas aussi dynamique que Resident Evil 6, qui proposait par exemple des attaques au corps à corps, des trucs comme ça, ou un système d'esquive, il me semble, sur le 6 qui était bien pour pouvoir t'en tirer. Non, là, c'est effectivement bien plus sec, mais ça reste quand même très très moderne, enfin relativement moderne, hein, de ce côté-là. Après, donc voilà, Resident 2. Et ben, j'ai dit que je le voulais pas, et puis je l'ai pris, et puis je suis tombé dedans. Et t'as craqué, t'es faible. Complètement, ouais, je suis qu'une merde, putain. Bah moi, je l'ai pas fait, mais j'ai suivi un YouTuber qui l'a fait, enfin qui continue encore à le faire. Et c'est sympa à regarder aussi en vidéo YouTube. Ouais. Ouais, bah c'est un film, hein, de toute façon. Après, ouais. Puis il est joli, hein. Donc voilà, Resident 2. Par contre, pas en VR, et ça fait chier. Alors qu'un mode FPS a été fait, non? Ouais, et je l'ai pas essayé encore d'ailleurs. Mais vu que je l'ai sur PC, je pense que je vais quand même le tenter. Et voir ce que ça donne. Moi, j'ai si c'est jouable. Il y a un mode Battle Royale, tu peux jouer à plusieurs. Quoi? J'ai rêvé ou tu peux jouer à Resident 2 à plusieurs? Non, j'ai rêvé. Ah non, c'est du solo. Ouais. Hein. Bon, alors j'ai rêvé. Oh, solo pur et dur. Ouais. À moins qu'il y ait une info que je sois complètement passé à côté. La vérité est ailleurs. Ouais. Mais ça marcherait bien, un jeu comme ça à 4. Pourquoi pas en VR, ça serait sympa. Oh, ouais, à 2 déjà, ça serait bien, justement, comme les. À partir du 5, le 5 était en coop. Alors tu vois, à 2 par contre, j'y jouerais. Ouais, autant tout seul, je peux pas, je crève. Mais, Moi, je me souviens que le 5, hein, ouais, le 5 c'est celui 2, ouais. Qui était sorti. C'est celui avec qui se passe en Afrique, hein. En Afrique. J'avais bien aimé, moi, celui-là, en fait. Il n'avait pas, été aimé du tout, non. Mais moi, j'ai bien aimé celui-là. Bah, en tant que fan de Resident, je trouvais que c'était scénaristiquement vraiment de la merde. Mais la coop a apporté beaucoup, je trouve. Il est très beau des fois. Mais je l'ai pas fait en coop. Alors, du coup, moi, j'avais Chris et j'avais Shiva qui était tout le temps devant moi quand j'étais en train de sniper. Écoute, des. Moi, j'ai fait le 6 en coop. Alors, c'est sûr qu'il n'y a qu'une certaine. Partie, la moitié du jeu qui est consacrée vraiment à l'univers de Resident avec les zombies et compagnie. En coop il était plaisant, hein, mais pour les puristes de la licence c'était une catastrophe. Ouais. Je l'ai trouvé plus généreux en fait, moi, le 6. Il y a toute une partie où je me suis vraiment ennuyé dessus avec Chris et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, qui était vraiment trop militaire et puis à tirer sur tout ce qui bouge, péter de munitions de partout. Mais je l'ai trouvé super généreux en fait. Déjà scénaristiquement, enfin au niveau. Non, je vais pas dire qu'il tenait la route scénaristiquement, mais il était cohérent en fait dans ce qu'il proposait. Et il m'avait plus plu que le 5 et le 4. Ah ouais, le 4 pourtant c'était. Ouais. Le 4 c'était vraiment. Enfin, ok, il a révolutionné le TPS, mais pour moi c'est le début du gros n'importe quoi dans les Resident. Hein. Oui, d'accord, mais finalement c'était un virage à 90 degrés, mais qui a fonctionné quand même, je trouvais. Ouais, commercialement, et puis même au niveau des critiques, hein, pour beaucoup c'est un des meilleurs. Hein. Bon, après chacun ses goûts. C'est comme ça. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Resident Evil 2. C'est déjà pas mal. Ouais. C'était déjà pas mal. Voilà. Bon, ça va pour vous les amis. On a fait le tour. Bah, je pense. On n'a pas raconté trop de conneries. On a bien rigolé. Ah si, tiens, je vais faire un petit aparté. Enfin non, c'est pas un aparté. Je voulais remercier toute l'équipe qui travaille pour VR4Player parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est là. Camille, Flo, Sébastien, Laurent même, qui est en même... vacances, tout ça, et nous autres, et même notre ami Spanx qui doit regarder son film. Même Spanx, tu le remercies, t'es sûr? Ouais. Non, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas toujours tous réunis, et puis bon, bah, c'est l'occasion de saluer, de remercier tout le monde. Et nos auditeurs aussi, c'est important, qui sont de plus en plus nombreux. Bien sûr. Il faut aussi parler de la chaîne YouTube. Hein. Ce mois-ci... Ah oui. Anniversaire du site. Hein, le site a 2 ans. 2 ans. Ouais, c'est ça. Et on est passé à 20 000, plus de 20 000 abonnés hein, sur YouTube. C'est énorme. Ouais, on est à 20 300 et quelques là. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est comme quoi, donc, on fait pas coucou. Que du mauvais. Bah oui, bah c'est bien. Des fois, de temps en temps, c'est bien quand même de se faire entendre dire que ouais, vous êtes pas si mauvais que ça, quoi, finalement. Ouais, ça a l'air de pas grand chose, mais mine de rien, ouais, ça motive, quoi. Non, tu fais bien de le rappeler parce que j'avais complètement zappé là, tu vois. Donc, ouais, bien vu. Quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver les podcasts sur YouTube maintenant. Donc, on rappelle que c'est un peu. J'aurais peut-être dû le dire, c'est en début d'émission, justement, pour les gens qui cliquent dessus et qui après mettent un pouce bas parce qu'ils comprennent pas que c'est un podcast audio. Ouais. C'est un podcast audio, les amis. C'est pas un podcast vidéo. Donc, exceptionnellement, en fait, il y a eu de la vidéo et du gameplay sur l'entretien avec Nicolas Doucet, mais ça restera majoritairement, en tout cas, toujours une image fixe que vous verrez sur YouTube, que vous pourrez minimiser pour, réviser, jouer à vos MMO préférés, et puis nous écouter pendant que vous faites autre chose. Mais ça n'a pas pour but, en tout cas, d'être planté pendant 2 heures devant un écran fixe. Ça n'aurait vraiment aucun intérêt. Pour ce podcast, on va mettre une photo de Sei. Oh, t'es sûr? Pendant... Ouais, je crois qu'il n'y aura pas de clic. Hein. Pendant 2 heures. Ou Spanx en train de regarder son film. on devrait se mettre en se prendre en photo et faire un maelstrom de photos en fond, tu sais, comme sur les écrans les cadres photos digitaux là, un roman photo, tu sais, dès qu'il y en a un qui parle, tu sais, on prend une photo de nous en train d'ouvrir la bouche avec une bulle comme ça. Oh là là, ouais, on serait haïs après, je pense. Ouais, je pense, ouais. Bon, voilà, vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube, sur iTunes, on dit iTunes ou iTunes, je sais plus, enfin c'est chez Apple, sur PodCloud, sur c'est tout en fait, c'est déjà pas mal. Hein. Sur le site, bien sûr. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à dans 2 semaines si tout va bien, et puis on vous fait de gros bisous. Ouais, et à la prochaine. À bientôt les amis, allez, à la prochaine. Allez, bye. Ciao. Ciao.